Vous êtes assez fou. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Gabriel Biondi ira dans les quiz à la huître pour parler du match spécial Carnaval de cet après-midi. Et on ne goûtera certainement pas à des fruits de mer dans notre chronique alimentaire. Une grosse pointe d'endresse. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Reiki en ce jeudi 28 janvier 2016 et 90 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Salut, yeah. Ça va? Oui, ça va. Toi, j'ai vu que tu mettais ta main sur la table. Ouais, je trouvais que ça vibrait. Tu trouvais pas? C'est pas ta tête qui tourne à cause de la boisson d'hier. Non, mais honnêtement, j'ai bu. J'ai pas bu beaucoup parce que je conduisais, bien évidemment. Alors, j'ai été responsable, comme plusieurs personnes, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de voitures dans le stationnement ce matin. Dernier jour de carnaval et il y avait un événement qui finissait à 7h ce matin, le truc de la liste. J'ai croisé des gens d'ingénierie qui sortaient comme du pavillon ce matin, puis ils sentaient encore le fond de tonne. Donc, d'après moi, ils faisaient partie du Beer Fest hier soir. Miam, miam, miam. T'as une anecdote sur hier, je pense, toi. Raconte-nous ça, non? Ça te tente-tu? Ben, premièrement, de me rendre au Beer Fest, c'était tellement la pire idée au monde parce que j'aurais dû savoir que j'allais revenir chez moi vraiment tard. Considérant le fait que j'allais encourager mes amis de AELM et de Récréo, j'aurais dû comprendre que j'allais pas sortir de là à 1h30 du matin, bien évidemment. Comme d'habitude, que les gars de Récréo se sont rendus jusqu'en finale. Alors, bien évidemment, on est sortis très tard. Mais ouais, j'ai perdu mon portefeuille. Pour toi. Mais je l'ai retrouvé. Merci à Joe, le manager de la chasse, qui tu est comme raconté mieux. Tu me l'as raconté mieux en ronde. Il y a plus de punch dans ton histoire en ronde. Oui, c'est vrai. Ben, on dirait que ça s'explique très mal sur les ondes parce que, bien évidemment, on voit pas. Tu l'avais laissé derrière toi sur le comptoir. Oui, c'est parce que j'ai voulu attacher une veste autour de ma taille. Puis j'ai mis mon portefeuille plus, tu sais, comme sur un comptoir, comme à mes côtés, mais un petit peu plus loin. Puis j'ai oublié que j'avais mis mon portefeuille là. Je vous assure, je n'étais pas en état d'ébriété, mais j'étais juste comme, je sais pas, dans l'une. Et j'ai laissé mon portefeuille là. Wow. Comme ça, le plus, j'ai continué à vaguer à d'autres occupations qui étaient la danse, bien évidemment. Et à un moment donné, j'ai fait, hey, attends, il est où mon portefeuille? Là, j'ai jamais fait autant d'aller-retour entre la chasse-galerie et le 10-12 en dedans d'une heure et quart pour trouver un foutu portefeuille. Il était rendu 2-3 heures du matin, là, déjà. Il était rendu 2-3 heures, 2 heures du matin, bien évidemment. Et ils l'ont retrouvé à la chasse-galerie. Mais moi, j'étais au 10-12. Ouais, merci à Joe de la chasse parce que sans toi, j'aurais pas pu partir avec mon auto, mes clés étaient dans mon portefeuille et j'aurais probablement pas pu survivre à ma soirée de cours. J'étais en petite boule à un moment donné en train de me dire « Ok, je vais me mettre à pleurer. » Un bon samaritain, il y en a encore de nos jours. Oui, et tous les agents de sécurité avaient le call comme portefeuille beige appartient à Tania Baudin. Ah, mais t'es bien chanceuse. Et tu vois, on t'a montré à l'école de radio comment décrire... Voilà. Avec ta voix, tes histoires, t'es capable de le faire. J'ai encore de la voix ce matin, ce qui est très, très surprenant parce que match de hockey assez historique hier. Contre McGill, les Patriots ont gagné 6-1, donc nous sommes champions de la saison régulière. Puis bien évidemment, comme je le disais, le Beer Fest où on voulait encourager nos amis, on l'a bien fait avec beaucoup de voix et ce matin... La gorge est très, très rauque. Moi, je l'entends pas la musique tard. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Puis arrête de te sous-estimer, Tania Baudin. T'es capable de raconter l'histoire. Bon. Donc, aujourd'hui, à l'émission, tout le monde, on a plein de choses de prévues. C'est rare parce que jeudi, d'habitude, on a vraiment presque rien. C'est la journée plus molle de la semaine. On tourne ça mollo. Mais aujourd'hui, on a Gabriel Biaud à 9h pour la chronique Dans les coulisses de la huître. Donc, on va parler du match qui a lieu cet après-midi entre 16h et 18h au 10-12. Donc, endroit spécial, jour spécial, heure spéciale. Ça va être pour le carnaval, bien sûr. Oui, puis petit conseil à l'organisation du carnaval. Faites le tour des poubelles avant de les utiliser pour l'impro parce que ça doit sentir le là-dedans. Wow! Ouais. À 8h30, notre chronique habituelle du jeudi, c'est une grosse pointe d'adresse. Donc, on va goûter un produit acheté en magasin ou en dépanneur, en épicerie, peu importe, c'est quelque chose de malbouffe. Donc, ça, c'est à 8h30. Aussi, dans les environs de 8h30, on va avoir un petit peu de Mélina. De Mélina, oui. Elle va nous parler de la journée d'aujourd'hui. On va faire un petit retour sur la journée d'hier. Pas mal rembêler la semaine parce qu'on est le dernier jour de radio pour C'est fou le jeudi. Donc, le carnaval doit se terminer, j'imagine, demain. J'imagine. Donc, oui, il y avait, je pense que c'est la lancée du rallye là, présentement, au 12. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des voitures identifiées UQTR présentement dans le stationnement. Il y a comme plein de monde au 10-12. C'est pas le rallye qui se termine, là, à 7h? Ah, peut-être! Oui, le rallye de nuit. Il me semble que oui, le rallye de nuit, c'était là. Mais justement, la raison qu'on n'en parle pas nous-mêmes, c'est qu'on n'est pas au courant. C'est Mélina qui est au courant. C'est Mélina. Donc, à 8h30 environ. Il y a aussi ta chronique à toi, Tania Sgarajetania. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, bien, je vais faire un bref, très bref retour sur la partie des Patriotes contre McGill hier soir. Et aussi, je vais vous parler des applications qu'on se doit d'avoir en tant que jeune adulte sur nos téléphones cellulaires. Oh boy, ça en fait des choses, ça. Ouais. Ah, c'est dans quelques minutes à peine, mais pour l'instant, on écoute Cage the Elephant avec Mess Around. Au 89 FM. C'est fou! Mess Around par Cage the Elephant, assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de s'acheter pas un éléphant parce qu'on n'a pas, on n'a pas l'argent pour ça, malheureusement. Je pense que c'est ça qu'on fait dire. C'est plate. Là. Tout ce qu'on peut s'acheter comme animal, c'est une petite souris. Tristesse. D'ordinateur pour cliquer ses liens pour aller s'acheter des affaires. Ouh. Dans ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Le lien douteux. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique où on achète des gadgets sur Internet. Et commençons avec, tiens, on est dans le carnaval étudiant en ce moment. Donc, de la boisson, il y en a pas mal. Si tu veux traîner ton propre verre et, Colin, remarquer que c'est ton verre, pas te le faire voler, pas te faire mettre d'affaires dedans, parce que tu veux pas le perdre, tu l'aimes tellement. C'est un verre avec une balle de fusil dedans. OK. Donc, c'est un bal, verre de shooter, OK, avec une vraie balle de fusil qui rentre sur le côté. Donc, ils ont vraiment imprégné la forme d'une balle et ils ont collé la balle à l'intérieur du verre, ce qui donne une apparence quand même assez hors-la-loi. Mm-hmm. Western un peu, ça coûte 15$ pour ces Bulletproof Shot Glasses, fabriqués et vendus par un studio qui fait de la vitre, donc Ben Shot, dans le Wisconsin aux États-Unis. Chaque shooter de 1,5 once est unique et a une vraie balle de fusil personnalisée à l'intérieur. Ça va pas au micro-ondes, on dit? Non, j'imagine. Ils font aussi des tumblers de 7,5 once, donc des plus grands verres à bière. C'est ça, des tumblers pour la bière, je crois. Avec une balle de 0.45, on dit, je pense, sur le côté. Ceux-là coûtent 23$ chaque. Évidemment, on peut pas vraiment faire ça à la maison. Hein. Donc, il faut l'acheter fait demain. C'est joli. C'est joli, mais bon. L'utilité est pas vraiment là. C'est ça, l'utilité est un petit peu pourrie. C'est ça. Ben, d'où le nom de la chronique, ça devrait pas. C'est voilà. Ça. Hein? Ensuite, tu te rappelles dans, oui, tu te rappelles dans Ghostbusters, le gros bonhomme Stay Puft Marshmallow? Oui. En guimauve. Et bien là, ça, c'est une chandelle en un bonhomme Marshmallow Stay Puft. Mais c'est ça, c'est une chandelle, puis tu peux vraiment l'allumer, pour vrai. Hein? Oui, pour vrai. Hey, ça doit sentir bon. Hein? J'imagine, ben c'est ça sent les guimauves. Mm. Donc, c'est disponible chez Firebox. Ça coûte 29$. LOL! OK, excusez. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, c'est cher. Oui, c'est super. C'est pas la plus grosse chandelle au monde. Là. Est-ce que t'as dit LOL? J'ai dit LOL, wow. Parce que sinon, j'allais... m'esclaffer d'un autre... ouais, c'est ça. C'est ça. On sait pas combien de temps ça dure pour brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, évidemment. Mais quand même, ça coûte cher de l'heure, je pense, pour ces chandelles-là. Stay Puft Marshmallow Man, qui ressemble exactement à ce bonhomme-là, sauf que ça a plus l'air d'une, je dirais, d'une décoration de sapin de Noël. C'est-à-dire... C'est vrai, hein? Ça ressemble pas à un bonhomme en guimauve. Ça ressemble à... Ben, évidemment, c'est de la cire. Donc, c'est très, très luisant. Et la peinture, on dirait, a été appliquée à la machine ou je sais pas trop quoi. C'est pas super bien fait. Non. Mais bon. Ensuite. Ah, on revient à l'alcool un peu. Ouais, il y avait du beer pong. Est-ce qu'il y avait du beer pong hier? Il y avait-tu pas du beer pong? C'était ça, les épreuves hier soir. Okay. Beer pong, flip the cup, puis du beer pong à chaque coin de table. Donc, l'ensemble du beer pong, là, un peu comme au billard, là, genre les verres placés en billard à chaque coin de la table? T'as un verre à chaque coin. Puis en fait, c'est que ton équipe est composée de deux joueurs. Puis l'autre lance une balle sur ton chest, parce que ça s'appelle le chest pong. Et ouais, parce que le pong poitrine, c'est moins beau. Ouais, c'est moins le fun à dire. Ouais. Puis avec ton chest, il faut que tu diriges la balle de beer pong dans ton verre. OK. Mais ça joue en équipe à chaque côté de la table. C'est le fun. Ouais, c'est alternatif fun. Quand même. Ouais, ouais, quand même. Donc, justement, pour changer ton jeu de beer pong, peut-être que tu trouves que tes verres sont pas assez collés ensemble, peut-être que ta balle finit par tomber entre deux verres, puis c'est plate, ça, quand ça arrive. Mm-hmm. Donc, c'est des verres de beer pong hexagonaux, qu'on pourrait dire. Donc, les Hex Cups, un design de William Heimsoth et Aaron Atterbury. Donc, 15$ pour un ensemble complet de 22 verres et 3 balles. Ils se sont rendus à leur but sur Kickstarter, et les Hex Cups, ce sont donc des verres de beer pong à l'épreuve de tout ce qui est crush-proof, donc impossible crush. Ouais, écrapoutir, ouais. Écrasé. Donc, c'est ça. Il n'y aura pas de bière qui va passer entre les affaires quand ça plouche. La bière va rester à l'intérieur des verres parce que les verres, dans le fond, sont collés ensemble, mais sont en hexagone. Donc, ça fit. C'est juste que c'est un hexagone. C'est quoi? C'est 6 côtés? Hein? Hexagone. C'est collé ensemble à angle. Sinon, c'est un octogone. Oui, on pourrait tous les faire et ça pourrait être long et pas super intéressant. C'est ça. Bref, ça va changer le beer pong pour toujours d'ici les trous entre les verres. Il n'y en aura plus. Voilà. Ça améliore le jeu d'ici. Il y a une petite vidéo démonstration sur assemblagerequis.com. Hex Cup. Hexcup. Ensuite, se réveiller, c'est difficile, Tania, surtout après avoir joué au beer pong. Hein? J'ai pas joué, mais ouais, c'est ouais. Difficile. C'est de la pâte à dents caféinée. Ah, ouais. Power Energy Toothpaste. J'aurais pris ça matin, moi. Du dentifrice avec infusion de caféine qui va être absorbée par tes gencives quand tu te brosses les dents le matin, disent-ils. Si vous vous brossez les dents le matin, j'espère bien. Mm-hmm. Donc, la caféine serait absorbée plus rapidement par les gencives. Donc, ça va vous donner un rush de caféine beaucoup plus rapidement que la caféine normale qui est absorbée par l'estomac avec le temps. Voilà. Ça va aussi, donc, évidemment, vu que c'est absorbé plus rapidement, ça va aussi vous faire atteindre le mur plus rapidement. Alors, peut-être que vous allez devoir vous brosser les dents plus souvent. Ah, ouais. Voilà. Et aussi, faites attention, comme dit l'article, de ne pas utiliser votre pâte à dents le soir, la pâte à dents à la caféine, parce que vous allez avoir de la difficulté à dormir. Allez, encore une fois, une petite vidéo promotionnelle, et on peut contribuer à leur campagne sur Indiegogo pour 15$ par tube. sur indiegogo.com. Cherchez Power Energy Toothpaste. Voilà. Ensuite, c'est un étui de téléphone cellulaire pour iPhone, dans ce cas-ci, qui ressemble à une oreille réaliste. Faite avec du latex, c'est j'imagine. C'est très réaliste et vraiment très dégoûtant. Vraiment. Donc, Human Ear iPhone Case, fabriqué par un artiste de... On appelle Body Parts, donc une artiste qui réussit à reproduire des parties corporelles. Sarah Sitkin, de Los Angeles, pour un artiste de Melbourne, en Australie. Donc, elle a fait pour un artiste de Melbourne, en Australie. L'oreille est supposée avoir l'air d'une vraie oreille humaine. Et il n'y a pas grand détail de plus que ça. Ça ne dit ouais, pas à quoi c'est fait, mais en gros, c'est ça, ça s'achète pas. Il a même l'air d'avoir du poil. Oui. C'est dégueu. Effet. Dégueu. Ensuite, une poubelle, c'est cool. Ouais. Mais à un moment donné, dans ta chambre, peut-être que tu as besoin d'une plus petite poubelle pour peut-être écrire des poèmes puis les jeter. Ça, sur des post-it. Ben oui, ben oui. Des post-it dans une petite poubelle. Donc, c'est West Village Corrugated Can. C'est une petite poubelle rouillée à 148$ disponible chez Anthropologie. Donc, c'est West Village. West Village, comme est-ce que c'est la compagnie? Ça le dit pas. Bref, ça mesure 20 pouces par 15 pouces. C'est rouillé de tous les côtés, ça coûte 148$, présentement en vente pour 99$. Évidemment, qui paye ce prix-là pour une poubelle habituellement? Paierais-tu ça, toi? Jamais de la vie. Bon. Mais c'est tout petit et c'est beau sur un bureau. On a 148$. Peut-être comme porte-crayon. Ouais, il vaut cher, là, ton porte-crayon. On retourne à la cuisine, tiens, pour amener du sriracha partout où on a besoin d'en avoir, hein? Du sriracha, c'est toujours bon partout, ouais. Mais t'as pas ta bouteille sur toi. On a déjà parlé d'un porte-clés. Oui, avec la mini-bouteille sriracha. Exactement. Dans ce cas-ci, c'est des paquets, un peu comme des paquets de ketchup chez McDonald's, dans les fast-food. Donc, sriracha, to-go packets, hein, vous serez jamais sur votre sriracha. Évidemment, des petits sacs comme ça, ça se perce facilement dans la poche quand tu le traînes sur toi. Moi, j'ai déjà traîné une trempette mille et moutarde de chez PFK dans ma poche. OK, oui. Ça a transpercé, ça a mis ça dans mes shorts. Mes shorts étaient délicieuses, mais c'est un petit peu dégueulasse à enlever. Bref, vous pouvez les acheter en emballage de plusieurs pour 15$. C'est sur sriracha2go.com avec le chiffre 2. C'est un emballage de 50 pour 15$ ou 200 pour 35$. Ce produit, pour l'instant, ne peut être envoyé qu'aux États-Unis, malheureusement. Mais j'ai vu un article récemment, il faudrait que je le retrouve. Et à chaque fois, je dis ça, je le fais jamais. Mais j'ai trouvé un service qui permet de commander sur les sites comme Amazon.com aux États-Unis. Oui? Ça le fait livrer tout en paquet. Dans le fond, les gens peuvent commander ça sur ce service-là. Okay. Et eux, après ça, envoient tout ça en Ontario. Et là, après ça, de l'Ontario, c'est là qu'ils vont te l'envoyer à toi personnellement. Et tu vas payer les frais de douane. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas achetables sur .com. Ils ne sont pas achetables parce qu'il faut absolument une adresse américaine. Et eux s'occupent de ça. Dans le fond, ils les achètent aux États-Unis, l'envoient en Ontario d'un coup sec, facilement. Et toi, après ça, tu payes le frais. Il faut absolument que je retrouve ça parce que je veux m'en servir moi-même. Bref, ensuite... C'est Restroom on the go. C'est un attachement de siège de toilette pour votre VUS, votre véhicule utilitaire sport. Donc, un siège de toilette fait pour s'attacher à votre pneu. Finalement, de votre pneu de camion ou de voiture. Simple, évidemment, il faut être stationné, comme dit l'article, comme on le précise. Ouais. Et on va monter ça sur le pneu. C'est un petit siège, sais-tu pas en quel matériau? Je crois que c'est en plastique. Ça a pas l'air d'être du métal, d'ici. Non. Tu fais un trou dans le sol. Oui. Là où ta voiture ou ton camion est stationné, évidemment, le siège se clipse à la roue. Tu fais ce que t'as à faire, tu rentres ça. Et Ça serait parfait d'un chronique de plein air. Oui, en effet. En effet. Ensuite, c'est un système de tente en forme de beignet. OK. OK. Évidemment, tu vas en camping, tu amènes tes beignes comme tout le monde. Comme tout le monde. Et ici, c'est comme une genre de communauté, si on veut. C'est un concept. On peut pas l'acheter. C'est un système de tente, donc Camping Donut. Un design de Sungha Lim, Yunmuk Lim et Han Kim. Donc, à la place de tente traditionnelle, c'est plutôt des sections courbées, collapsible, donc escamotables sur eux-mêmes. Ils peuvent être attachés pour faire différentes formes, comme un S ou un O. C'est aussi disponible en version droite pour pouvoir faire encore plus de formes. Et les possibilités sont illimitées. Bien sûr, c'est toujours un concept, donc on peut pas l'acheter, mais on peut s'imaginer de faire des tentes en forme de peut-être un C, un S, un O. Et il y a une porte sur le côté, donc on peut entrer dans le beigne et la tente devient un corridor. Tu vois que c'est à peu près de la grandeur, un petit peu plus petit qu'une grandeur moyenne masculine. Ouais. Donc c'est pas fait pour être debout en tout temps. On peut plus s'asseoir et se coucher, ramper probablement. Sinon, se pencher un petit peu. Et c'est ça, on peut mettre la tente dans son étui et arranger ça sur le toit de sa voiture, de son véhicule. Même si votre valise est pleine, on peut l'attacher facilement sur le dessus. Et ça dit qu'on peut créer de nouvelles expériences, par exemple être à la plage et le vent peut entrer par les fenêtres de la tente. Donc, il y a des petites portières sur les côtés. Donc, le vent entre, vous fait prendre de l'air en même temps. Et le feu de camp peut être à l'intérieur du... Peut-être pas à l'intérieur du haut, je sais pas si c'est sécuritaire. C'est ça, mais eux, ils ont fait un S et ils ont mis ça dans la courbe du S. Il y a quelqu'un qui dit que c'est parfait pour pouvoir se faire comme une espèce d'espace entièrement nu. Oui, absolument, à la plage. J'ai trouvé que c'était un commentaire très pertinent. Voilà, on aime ça comme ça, on aime ça comme ça. Ensuite, question personnelle, Tania, ton caca, est-ce qu'il pue? Hein, tu sais? On se demande tous, ah, crème, je voudrais pas empester les autres dans la salle de bain. Ouais, hein? ouais. Donc, c'est des petites gouttes post-caca. Ça s'appelle Aesop X APC Post Poop Drops. On sait que les besoins numéro 2, ça fait partie de la vie. Et sentir ça, c'est jamais vraiment le fun. Donc, on peut cacher les odeurs désagréables avec ces gouttes-là. Une collaboration entre Aesop et APC, qui utilise une base d'agrumes avec des notes florales mélangées pour neutraliser les odeurs offensantes. On met 3 gouttes dans la bolle après avoir flushé pour vraiment bien couvrir la toilette et on ajoute quelques gouttes dans le lavabo avec de l'eau chaude pour rendre l'odeur encore plus diffusée. Ça coûte 29$ et ça s'appelle encore une fois Post Poo Drops. Ça pourrait être utile, ça. Tu l'essaierais-tu? Oui. Ah ouais? Facilement. C'est sûr que ça va donner peut-être le même odeur qu'un spray, mais le spray dure moins longtemps que les gouttes, j'imagine. Ouais. Okay. Hey, mais j'ai vu ça hier à la pharmacie. Ils ont sorti des petites languettes. En fait, j'imagine que les hommes ne pouvaient pas nécessairement utiliser ça. Mais c'est pour mettre dans vos sous-vêtements, mesdames. Et ça a l'air que ça dégage une odeur à longueur de journée. Wow, j'en veux. Donc, tes sous-vêtements sentent toujours bon. Je vais manger de ça. T'en veux pour moi. Merci. Je vais être meurtrière. Ensuite, ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est dans un autre ordre d'idée complètement. C'est le Desktop Garden and Light. Tu sais, des fois, l'hiver, tu manques de lumière. Tu as besoin de luminothérapie. Oui. T'as besoin de nature, t'as pas de gazon l'hiver. C'est vrai. Des fois, il y en a qui vont avoir un petit bac de sable avec un petit râteau pour être zen un peu. Ouais, pour se sentir mieux. C'est ça, ben, du gazon, c'est encore plus cool. Donc, la grass lamp, c'est pour améliorer votre bureau. Bien sûr, une lampe unique avec une lumière brillante et absolument merveilleuse, dit-il, et un jardin robuste de gazon compact. C'est beaucoup d'adjectifs, hein? Compact, robuste, jardin. Ils vont pas avec le dos de la cuillère! Absolument pas. Donc, le gazon lui-même produit 33% de votre besoin quotidien d'oxygène et prend environ 15 jours à pousser complètement avec une technologie hydroponique. À la place de mettre une lumière beaucoup trop intense, le grass lamp vous permet de travailler avec une petite lumière sobre. Ça pompe aussi de l'oxygène donc dans votre espace de travail. Et le design ovale vient en blanc ou en noir. Et la plante pousse dans le jardin situé dans la portion du dessous de la lampe. Okay. Et la lampe émet de la lumière au-dessus. Ah, ben voilà. Oui. Donc, on peut choisir de faire pousser du gazon, des fleurs mangeables, des petites feuilles de salade même dans ce jardin-là. Tout ça avec aucun effort du tout. Et grass lamp, donc une façon rafraîchissante de changer votre bureau de style. C'est vraiment cute. C'est comme un ovale. Tout ce qu'il y a de plus simple. C'est beau même en décoration. Si tu veux pas honnêtement l'utiliser pour luminothérapie, c'est cute. Oui. Voilà. Ici, c'est un peu moins cute. Ah ouais? C'est aussi une lumière, mais c'est pas mal moins cute. En fait, c'est pas vraiment une lumière, c'est un spray qui va être utilisé avec une lumière blacklight. Ouais. Tu connais le principe dans la criminalistique de forensic en anglais. Donc, c'est pour voir les atrocités qui se passent dans votre maison. Par exemple, du jus de garçon qu'on appelle. Du jus de garçon ou bien du sang. Ou du sang, voilà. Du jus de garçon. Oui. J'aime donc ça. Moi aussi, ça vient d'une chanson à quelque part. Je pense que je vais utiliser ça maintenant. Du jus de garçon. Bref, donc c'est ça, c'est le Crime Scene Spray, hein? Avec le luminol qui fait ressortir le sang. Ici, il détecte l'évidence, dans le fond, qui a rapport avec un crime, peut-être, qui aurait pu avoir lieu. Donc, $12 pour ce Crime Scene Spray sur Amazon.com. Est disponible avec une formule utilisée par les mains. En fait, c'est la même formule que celle utilisée par les CSIs, les Crime Scene Investigators. Parfait pour faire des démonstrations. C'est un kit prêt à être utilisé. Vous pouvez voir une petite démo sur assemblagerequis.com. C'est facile à préparer et à utiliser. Et c'est ça, c'est du vrai luminol. Pas cher en plus, hein? Absolument pas cher. J'espère que t'en donnes une bonne bouteille pour ce prix-là. Attends un petit peu, j'ai fermé l'onglet entre-temps. Allons voir. C'est 2 onces. Non, c'est pas tant que ça. Hein? Ensuite. Plus cher qu'un shooter? Ben ouais, mais là, à un moment donné. Hein? Ah, ça équivaut à la même chose pourtant. Ben, double. Un shooter double? Comment? Répète-moi ça. Ben, un shooter, 1 once. Oui. Là, tu dis que la bouteille est 2 onces. Oui. Donc, un shooter reviendrait à 6$. Ah, voilà. Quand même, okay. Hein? Je t'ai pas suivi. Ensuite, allons-y avec notre prochain gadget, c'est-à-dire une boîte par abonnement. Il y en a au moins une par semaine. Hey, ça, c'est la grosse mode. Hein? Absolument. Donc, c'est l'Artisan Meat Subscription Box. Pour satisfaire son carnivore intérieur, comme j'aime auparavant, en s'inscrivant à cette boîte artisan de viande. Donc, vous allez recevoir de la viande à chaque mois, emballée et tout ce qu'il faut de qualité. C'est sur carnivoreclub.co. Vous pouvez même vous faire shipper au Canada. Oui, en effet, c'est bien disponible au Canada, j'ai vérifié. Pour vous, je suis là pour vous. Hein? On dira pas que je fais pas attention. Hein? 55$ par mois pour le dollar américain. J'arrive pas à cliquer sur le mot Canada en ce moment. Ah, il faut que je... C'est rendu de nos jours qu'on voit plus les barres de scroll. Hein? Ouais. Fait que tu sais pas quand tu peux scroller, je trouve ça plate. Donc, shipping gratuit même au Canada. Incroyable, pour vrai, j'adore ça. Je cherche les prix. Un petit peu 50$ canadiens par mois. Pour un mois, c'est 55$, donc il faut s'abonner sur plusieurs mois pour avoir le rabais. Et pour avoir la boîte de ce mois-ci, le mois de janvier, il faut commander avant. Il reste 3 jours encore en date de jeudi matin. Voilà. Ensuite, quand tu prends ta douche, t'as de la misère à calibrer peut-être la température, le chaud, le froid. Tout le temps. C'est la pire chose, je comprends pas. Je sais pas si en appartement, c'est normal d'avoir comme... je sais pas combien de tanks il y a eau chaude dans le sous-sol, puis à un moment donné, quand tu vides une tank, ça part à une autre, fait que t'as de l'eau folle entre les deux. Mm-hmm. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment beaucoup. Bref, c'est pas vraiment ça le problème. Ici, c'est que ta pomme de douche peut te dire la température de ton eau. Comme ça, tu peux l'ouvrir avant d'embarquer dedans, attendre que la température soit parfaite, et ensuite entrer. Ça, on aime ça. Donc, arrêtez de deviner la température de votre eau avec une pomme de douche numérique, avec 6 différents paramètres de spray, bien sûr, avec le fichage LED qui vous dit exactement la température de l'eau. C'est sur Amazon.com. Il en reste 3 en stock. Dépêchez-vous. Hein? Certifié WaterSense. 2.00 GPM à 80 psi. 7.6 litres par minute. Toutes des affaires que je comprends pas trop. Mais bon. Et c'est chromé à souhait. Donc, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Ensuite, quand tu prends des photos, Tania, peut-être des photos de... Des fois, ça peut arriver que quelqu'un te demande de prendre des photos cute, de couple, peut-être. Ouf. Ça peut arriver. Oui! Oui, mettons. Mettons. des fois, tu veux rendre l'image encore plus romantique. Oui, comme un film de Nicholas Sparks. Comme dans un film de ce gars-là. Donc, oui. Des fois, le soleil va arriver, ça va faire un genre de petite... Il y a comme une petite... Pas une vapeur, une bruine. Une petite bruine cute. Maintenant, tu peux acheter cette bruine en aérosol. Oh. Bien sûr, donc il y a des photos de qualité studio en créant des effets impressionnants avec cette canne d'aérosol d'atmosphère. Avec quelques sprays, vous allez pouvoir créer un effet de fog haze, mm-hmm. comme on l'appelle, donc une petite bruine, sans avoir besoin de matériel cher, et évidemment qui prend de la place. C'est fou ce qu'on peut faire avec une petite canne. Ça n'a aucun rapport, c'est génial. Et petite mise à jour importante, encore une fois, une ship qu'aux États-Unis. Par contre, ça va venir au Canada, c'est certain. Donc, Atmosphere Aerosol pour 12$ américains. Tu vois, ça, c'est triste que ce soit pas encore distribué. Mais ici. Quand je vais trouver l'article que je te disais tantôt, pour vrai, là, ça va changer votre vie. Je l'ai vu hier soir, je pense, cet article-là. Je peux le retrouver. Faut que je me rappelle de le faire avant la fin de l'émission. Le prochain est vraiment génial pour moi, ça va être le dernier pour l'instant, donc c'est le key catch. Quand t'arrives à la maison, tu lances tes clés sur la table. Ah oh, ouais. Ici, à la place de les perdre sur la table, ou peut-être comme toi à la chasse-galerie hier, ton portefeuille sur le comptoir, si t'avais cette plaque de lumière, pour allumer et éteindre les lumières, avec 2 aimants en dessous des boutons, et donc tu peux venir coller avec un aimant tes clés et un cadenas pour ton vélo, d'autres trucs comme ça. C'est un emballage de 4 pour 13$. C'est fait avec un aimant de néodymium, super puissant. Entouré de carbonate. En tout cas, bref, ça s'étend en quelques secondes, ça remplace les vis d'en bas. Donc, vous n'avez même pas besoin de changer la plaque ou la lumière. Vous faites qu'enlever les vis en bas de la prise des boutons de lumière et remplacer ça par les aimants à 13$ pour 4. C'est magnifique. Voilà, key catch. C'est tout pour ça existe, mais ça devrait pas là. Au retour de la pause, qu'est-ce qu'on a? On a Tania is gonna entertain. Oh my god! Mais avant, comme on en a parlé et comme. J'aime le faire une fois de temps en temps. Ouais. On écoute la pièce qui a inspiré Jus de garçon. Voici le nom. À l'assemblage requis. La plante que tu m'avais achetée est rendue toute desséchée. Il me semble que je suis bien capable de faire sans toi. Je suis même plus capable de me lever. Tu me faisais toujours un café. Je sais que t'es dans. Je suis un grand garçon, je me redresse. C'était le nom et jus de garçon, assemblage requis. Au retour de la pause, Tania is gonna entertain ya. Vous êtes assez fait, Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 28 janvier 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plan. Oui, déjà sans perdre plus de temps qu'on a déjà perdu en écoutant de la musique. Je vois la musique comme une perte de temps dans cette émission-là, des fois. Ah ouais, hein, je vois ça. Ça arrive quand on est compressé. C'est pas bien grave, là. On est jeudi. Oui, on est jeudi. Dernière journée de la semaine. Faut se relax. C'est ça. Voilà. Donc, c'est le moment de se faire divertir, comme on aime chaque jour Se faire subir du divertissement. OK, c'est ça? Ouais, c'est comme ça. OK. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. C'est Tania. Bon matin. Ah, aujourd'hui, j'ai aucun indice. Je ne sais pas de quoi tu nous parles du tout. Du tout, même si je te l'ai dit en début d'émission. Tu m'as dit ça? Est-ce que tu me l'as dit en ondes? Ben oui, en plus. Ah oui? Ben oui, ben oui. Un peu, attends, je me rappelle. Non, d'hier? De hockey, non. Oui! Oh! J'ai fait un bref retour sur le match des Patriots contre les Redmen de McGill. Parce qu'évidemment, on va probablement en entendre parler du côté de Mélina pour le carnaval aussi. Oui. Parce qu'elle elle y était, je l'ai vue. Alors j'imagine qu'elle veut nous glisser un mot là-dessus. Le spot avec ses cheveux mous! C'est ça. Puis je vais vous parler aussi des 9 applications que l'on doit avoir sur nos téléphones intelligents lorsqu'on est de jeunes adultes presque responsables. Parce qu'on ne le sait pas tous. Là. Ça entre dans une oreille, ça sort par l'autre. C'est ça, exactement. Parce que j'ai aucune mémoire à court terme. Pas très bien grave. Cool. Ce que je veux surtout souligner du match des Patriots, c'est à quel point ça a été frappant comme victoire. On a quand même gagné 6-1. C'est les deux meilleures équipes de la Ligue. Ouais. On le savait que ça allait être un match serré. Ça a été du excellent hockey. Tu pourrais demander à n'importe quel fanatique de hockey ici à Trois-Rivières, il te répondrait que ça a été une très belle game. Ça a joué robuste, ça a joué dur. Par contre, écrasant, là. Oui, oui, oui. C'est rare. Honteux pour McGill. Ben, je vais t'avouer, pas... Ben oui, honteux pour eux, mais pas pour nous, bien évidemment. Non. Mais je vais t'avouer que c'est rare qu'on voit une victoire aussi écrasante de la part des Patriots envers les Redmen de McGill. Ils sont vraiment forcés. Ils sont forcés, mais je pense aussi que l'énergie venait vraiment beaucoup de la foule. Oui. Parce qu'il y avait plus de 1381 personnes dans le Colisée hier. C'est une salle qui en contient combien habituellement? Je pense que le Colisée à Trois-Rivières peut rentrer 2005. OK, quand même. Je pense. Oui, je te dis ça grossièrement, là. Je suis pas certaine du nombre. Mais tout ça pour dire qu'un match comme ça, universitaire, opposant les Redmen de McGill aux Patriots de l'UQTR, avec le carnaval, on s'attendait à ce qu'il y ait évidemment beaucoup de monde. Mmh. On a été vraiment très contents de voir comment les gens avaient répondu à cette invitation-là aussi, parce qu'il y avait les gens du public extérieur qui ne sont pas nécessairement étudiants qui sont venus, qui a été une très belle initiative aussi des Patriotes d'inviter les gens. Est-ce qu'il y a eu des gens de Drummondville, tu penses, vu que l'autre fois les Patriotes étaient allés à Drummondville? Hey, je ne sais pas, peut-être. Sûrement, en fait. Peut-être. Mmh. Ça serait le fun de voir les chiffres par rapport à ça, mais je sais que la foule d'hier était beaucoup plus élevée que celle qu'on a eue à Drummondville. Ah. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette foule-là à chaque fois que les Patriotes sont au Colisée à Trois-Rivières? C'est ça qu'il faut voir. Il n'y a pas tant de matchs que ça dans une saison. Tu me disais que... En gros, dans une saison, il n'y a pas un million de matchs. Non, c'est ça, il n'y a pas un million de matchs. C'est approximativement un match par semaine durant la session. Puis là, présentement, mais hier, c'était le match final de la saison régulière. Ouais. Par la suite, ça va être les séries. J'espère, honnêtement, je me croise les doigts, je touche du bois. Je prie avec mon chapelet sur la corde de linge pour qu'il y ait beaucoup de gens durant les séries, parce que les Patriots de l'UQTR, premièrement, ont fini premier depuis hier. Donc, c'est nous qui sommes les champions de la saison régulière. Mais il y a de fortes chances aussi que l'on puisse gagner les séries. Oui. Ça serait pas la première fois. OK. Et j'espère que ça sera pas la dernière non plus. Parce que notre équipe est très bonne et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens comme ça durant les séries. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire? Est-ce que ça prend automatiquement un carnaval étudiant? Et des points que ça donne pour leur association. C'est ça. Parce que c'est ça, les gens vont là pour faire des points. Oui. Et voir du hockey, mais tu sais, les gens participent à toutes les activités, uh-huh. qu'ils aiment ou pas, parce qu'il y a des points dedans, puis ils veulent gagner. Oui, oui. Ouais. Tu sais, en théorie, hier, là, on parle souvent d'appartenance à l'université, ouais. puis que c'est peut-être ça qui manque aux étudiants ici. Mais hier, ça paraissait pas. Mm-hmm. Et c'est ça qui était le fun. On avait l'air d'une vraie université. On avait l'air d'une vraie université. Vrai. Deuxièmement, mention spéciale aux gars qui étaient en bédaine toute la soirée avec écrit sur eux « Patriote ouais. ». C'était malade. C'est personne pour beaucoup de lettres. Oui, c'est ça. Ils étaient tous là, ça criait, il y avait de l'ambiance. Il y avait les autres équipes sportives, filles comme masculines. Il y avait une bonne partie des gars de l'équipe de soccer qui était là, qui encourageait les gars au hockey. C'était le fun à voir. Ouais. Et j'espère, comme je le disais, que ça ne sera pas la dernière. Est-ce que c'était sur Patriote.tv? C'était sur Patriote.tv. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs athlètes qui ne viennent pas nécessairement d'ici. Donc, j'imagine que leurs proches ont pu regarder cette écrasante victoire. Et quand que je dis écrasante victoire, bien la dernière fois que je vous avais parlé d'un match des Patriotes, je vous disais que Marc-Étienne Hubert, l'entraîneur, n'était pas très, très satisfait de la performance que ses joueurs avaient donnée à Drummondville. Et bien là, c'est tout à fait le contraire. Et lui, il est honnête. Lui, c'est, il bullshit pas. C'est non, c'est vrai. C'est ouais. vrai. Puis, en fait, il dit que ça a été super bien reçu des gens et c'est, comme je le disais, une écrasante victoire qui fait du bien aux Patriotes, on doit le dire. 6-1, c'est beaucoup. C'est rare qu'on voit ça face aux Redmen, que ce soit pour n'importe quelle équipe en fait, parce qu'en temps normal, les Redmen sont une équipe très, très difficile et c'est souvent du tac au tac, je devrais dire. Même quand nous, on joue contre eux, ça va être un but de leur bord. Ouais. Un but de l'autre bord. Ping-pong, un but d'un bord, un but de l'autre bord. Mais là, hier, c'était assez impressionnant, merci. Et je crois sérieusement que la foule a aidé à tout ça. Oui. Et c'est ça qui était fun. Tant mieux. C'est ce que je voulais englober dans la chronique sportive de Tania is gonna entertain. Oui, là, on passe à quelque chose de quoi? C'est des applications sur quoi, t'as dit? T'allais faire un top 9? En fait, c'est les 9 applications, selon le magazine mentalfloss.com, génial. Que les jeunes adultes devraient avoir sur leur téléphone intelligent. Pour être branché. Je sais pas si c'est pour être branché ou pour être responsable. OK. Un des deux. Je dois avouer que j'ai fait le tour et je pense que je vais en télécharger quand même quelques-unes. Mm-hmm. La première, c'est Level Money. On parle souvent de budget. Évidemment, si vous êtes étudiant, vous parlez de budget encore plus serré. Alors, peut-être que celle-là, vous allez la télécharger assez rapidement, mais c'est vraiment super facile. En fait, vous téléchargez Level Money soit sur iOS ou encore Android. Et c'est une application qui va vous aider à conserver votre budget, okay. à suivre votre budget et aussi à voir quelle sorte d'économie vous pouvez faire face à ça. Et ça va vous faire surtout réaliser, par exemple, que vous dépensez peut-être 200$ sur du café par mois. Du fast-food, des vêtements. Ben c'est ça, ouais. parce que ça va vraiment calculer tout ce que vous dépensez, puis ça va vous faire comme une espèce de bilan à la fin du mois. Comme je disais, si vous dépensez 200$ par pour du café à chaque mois, bien ça va vous le dire comparativement à peut-être, mettons, je sais pas moi, 50$ d'épicerie. Ouais. Tu sais, vous allez pouvoir réaliser par la suite quelles sont vos, je veux pas dire valeurs, mais peut-être ce que vous devriez faire comparativement à ce que vous faites. La deuxième application, c'est Handy, H-A-N-D-Y. C'est difficile parfois de faire les tâches ménagères. Lorsqu'on est étudiant, on doit bien évidemment étudier, aller à nos cours, travailler aussi parfois. Il y en a beaucoup qui font alternance travail-études. C'est difficile, pas beaucoup de temps pour faire les tâches ménagères. Alors sachez que Handy, en fait, vous propose de faire un espèce de rendez-vous pour vous trouver quelqu'un qui va faire votre ménage à votre place. Donc, celle-là, elle est peut-être pas du côté responsabilité, elle est peut-être plus du côté « on aime ça et ça me le prend », que côté responsable. Par contre, vous prenez en charge le fait de faire votre réservation et en temps normal, il va y avoir quelqu'un qui va vous contacter pour pouvoir vous parler et vous offrir ses services. Mmh. Que ce soit pour, laver votre salle de bain ou encore faire le ménage de votre chambre, passer la balayeuse. Eh bien, sachez que par la suite, vous pouvez refaire ces espèces de réservations-là. Vous dites, mettons, une fois par semaine, ouais. je veux que cette personne-là vienne. Bien, vous la réservez d'avance et elle va se mettre dans votre téléphone. Comme ça, vous allez savoir à chaque jour, à chaque semaine, quand est-ce qu'elle vient, à quelle heure et qui va venir. Bonne idée. Avoue que c'est très intelligent. Par la suite, troisième application, c'est Allstate Digital Locker. Et bien évidemment, c'est comme relié à Allstate Digital, qui est de l'assurance. Ouais. Par contre, sachez que vous pouvez l'utiliser aussi sans avoir vraiment un compte là-bas. Parce que j'imagine que ça va se faire développer par d'autres aussi compagnies d'assurance. Peut-être que la vôtre va pouvoir le faire aussi dans pas très long. On le souhaite parce que c'est très intelligent. Lorsqu'on est étudiant, on pense pas tout le temps à réaliser le fait que, un, on va pas vivre tout seul. Même jeune adulte, peu importe, là, vous allez avoir un coloc ou vous allez vivre dans un appartement à plusieurs étages, donc plusieurs appartements autour de vous. Vous connaissez pas nécessairement tout le monde qui vit dans votre bloc. Eh bien, qu'est-ce que Allstar Digital Locker? C'est très simple, c'est une application qui va vous permettre de vraiment faire le tri de tout ce que vous avez comme valeur dans votre appartement. Ah, ben oui, OK. Alors, si jamais vous faites voler ou si jamais il arrive quelque chose, faites un party chez vous, puis il y a quelqu'un, je sais pas moi, qui part avec la lampe ou qui la brise, eh bien, vous avez la preuve que vous aviez ça et la faut valeur. Oui, faut vraiment faire ça. C'est, ouais. Ça fait 2 ans que c'est noté dans mon téléphone de faire ça, de prendre la télé, les consoles en photo. On n'y pense pas, mais avec une application qui classe tout pour vous, c'est pas mal plus simple de le faire que de prendre des photos random dans tes galeries de photos. Comme tu disais, vous faites classer par pièce. Donc, exemple, salon, salle de bain, cuisine. Puis c'est vraiment, ça va devenir comme une espèce de journal de ce qui vous appartient dans votre appartement. Et aussi, parfois, c'est le fun parce que vous pouvez le faire justement parce que vous vivez avec quelqu'un d'autre. Ouais. Puis si jamais vous partez, ben ça, c'est à moi, pas à toi. C'est ça. Laisse-moi ma télé. En coloc, puis là, quelqu'un trompe le chum, la blonde de l'autre avec l'autre de l'autre. Puis là, ça finit mal. Puis, C'est jamais. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, fais attention. La quatrième application que vous devez d'avoir sur votre téléphone intelligent si vous êtes un jeune adulte ou encore un adulte responsable. Une personne, donc. C'est ça, une personne ou responsable ou en voie de devenir responsable. Eh bien, c'est Outlook, Microsoft Outlook. Ah, ben oui, ben oui. Justement pour filtrer vos emails puis tout ça. C'est maintenant disponible sur téléphone intelligent iOS et Android. Les gens savent pas, mais c'est compatible avec pas mal plus de choses que tu penses. Ben oui, puis je pense honnêtement que celle-là, je vais la télécharger sur mon téléphone. Oui. Parce que... Gmail marche avec? Oui. C'est cool, ça. C'est vraiment le fun. Oui. On va faire un petit check-up tantôt dans mon iOS. Bien. Là. Ouais. Je pense que je vais faire ça. C'est rare que je recommande un produit Microsoft, mais celle-là, je l'ai vu puis il est pas mal le fun. Ouais. La cinquième application, c'est Evernote Scannable. Oui. C'est très, très intelligent, mais c'est seulement disponible sur iOS. Oui. Sachez-le, c'est pas encore développé pour Android. C'est tout simplement... pour peut-être les gens qui ont la fibre entrepreneuriale, qui ont lancé leur propre compagnie il n'y a pas très, très longtemps, bien, sachez que vous pouvez faire des reçus là-dessus. Vous pouvez scanner des cartes d'affaires et compléter les informations de la personne que vous rencontrez. Mm-hmm. Vous pouvez le lier au LinkedIn de la personne, exemple que vous vous associez avec quelqu'un. C'est vraiment un outil de travail qui va être très, très, très, très apprécié des gens qui ont leur propre entreprise ou encore ceux qui ont des petits projets on the side, là, qui décident de faire d'autres choses ou qui veulent vraiment tout noter sur leurs contacts dans leur téléphone et LinkedIn. Eh bien, sachez que vous pouvez maintenant le faire. Mm-hmm. Le sixième application que vous devez d'avoir, c'est Google Wallet. Est-ce que tu connais? Un petit peu. Pas tant que ça, non. Je sais que c'est l'affaire, évidemment, de d'argent. Là. Oui. Transfert d'argent. Ben, il y a beaucoup de gens qui utilisaient Venmo, qui est en fait un petit peu la même chose. C'est du transfert d'argent. Par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de sécurité avec Venmo. Alors, Google s'est donné la permission de faire leur propre wallet comme ça pour faire des transferts d'argent. Et c'est très, très, très, très protégé. Mastercard eux-mêmes ont dit que c'était eux qui s'en étaient chargés. Il y a aussi l'assurance FDIC qui s'est mise dans tout ça. Alors, si jamais vous êtes du genre à faire des transferts souvent par Internet... C'est un genre de PayPal un peu. Oui, c'est ça, un peu comme PayPal. Vous faites payer des affaires sur Internet avec ça, vous faites transférer de l'argent à vous, je sais pas moi, à votre famille, si jamais vous devez payer votre loyer, vous n'avez plus d'argent, mettons. Maman, Google Exactement. Wallet, c'est ce genre de... Et on le voit de plus en plus, l'icône est là, souvent quand t'achètes quelque chose, t'as un petit logo PayPal, t'as côté Google Wallet. Ouais. Et voilà. Donc, c'est fait pour iOS et aussi Android, sachez-le, donc les deux sont disponibles. La septième, c'est OpenTable. Une réservation de restaurant. Exactement. Ça, hein? Donc, si jamais vous voulez réserver à plusieurs ou vous organisez un souper, ou si tout simplement, tu fais ça, toi, réserver pour aller au restaurant, honnêtement? Non. C'est ça, hein? Ça J'ai personne plus. Avec qui aller, maman. Mais je pense que ça se fait plus vraiment, ça. que de réserver pour aller au restaurant, à moins qu'on soit comme 12 là, dans un souper. Mais si jamais vous êtes 12 dans un souper et vous n'avez pas le temps d'appeler, eh bien, sachez qu'avec l'application Open Table, vous pouvez trouver le restaurant dans votre coin et faire la réservation avec ça. Mm-hmm. C'est super intelligent. Et j'ai vu qu'il est au Canada, ça. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y en a quelques-unes au début de la liste qui n'étaient pas disponibles au Canada. L'article le disait pas, mais gros, ouais, ça me surprend pas. La plupart le sont. Ouais. Ça me surprend pas. Le seul qui l'était pas, c'était, je crois, le premier. Level Money. Okay. Mais l'équivalent, comme j'ai déjà mentionné, c'était Mint. Oui. Donc, oui, des fois, quand vous cherchez Level Money sur le App Store, ça vous sort Mint de toute façon. Ouais, exactement. Il y a des équivalents. Je me souvenais que tu nous avais parlé d'une application qui ressemblait beaucoup à Level Money. C'est pas la même chose. Ouais. La huitième, c'est soit Anilist ou Out of Milk pour ça, Android. Donc, sachez que si vous avez un téléphone Android, c'est Out of Milk. Et si vous avez un téléphone Apple, iOS, c'est Anilist. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, vous ne faites pas malheureusement manger du restaurant tous les jours, hein, Mathieu? Ben, vous pouvez essayer, en tout cas. Ouais, en tout cas. Mais si vous avez Level Money ou Mint, puis que vous essayez de suivre votre budget... Il dépense, ce budget-là, il dépense. Eh bien, sachez que Anilist ou Out of Milk, c'est quelque chose qui va vous aider à faire votre liste d'épicerie et à la suivre. C'est ça. Parce que quand tu vas à l'épicerie, si t'as une liste, tu vas dépenser pas mal moins d'argent que si t'as pas de liste. C'est vrai, hein? Parce que tu veux tout acheter quand t'as pas de liste. T'as pas, ouais. Puis si t'as fait une liste, en temps normal, t'as regardé les circulaires aussi. Oui. Donc tu sais où sont les spéciaux. Tout à fait. Ma mère est genre, elle était genre à faire 2-3 épiceries dans morte, le temps. Elle est pas morte, là. Non. Mais c'est parce qu'elle fait plus. Elle fait plus 2-3 épiceries, là. Mais dans le temps, circulaire, 2-3 épiceries, où sont vraiment les spéciaux. Je pense que ça prenait comme 4 heures faire l'épicerie, là. Ah, tu me rappelles les mauvais souvenirs. Ouais, à vous. J'ai vécu la même chose pendant beaucoup trop longtemps. C'est ça, hein? Oui. Est-ce qu'on doit saluer ton ex-copine? Salut! Bye! Donc, sachez que vous pouvez l'utiliser, évidemment, pour votre épicerie, pour la nourriture, mais aussi, si jamais vous achetez souvent des produits de nettoyants, par exemple, papier de toilette ou d'autres choses comme ça, des vêtements, si vous achetez des vêtements assez souvent, mais que vous voulez suivre une espèce de liste, comme exemple des bas, des bobettes, puis tout ça, bien, sachez que vous pouvez l'utiliser pour ça aussi. Donc, c'est vraiment cool. Ça, je pense que je vais le faire. Et la neuvième, eh bien, c'est l'application Koko, K-O-K-O. Okay. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est simplement un mur sur lequel vous pouvez partager ce qui se passe avec vous. Donc, on le sait, il y a de plus en plus de je veux pas dire de problèmes mentaux, mais d'anxiété, de dépression, puis tout ça. Eh bien, Koko, en fait, c'est une application qui va joindre des gens qui sont dans le même entourage que vous, aux alentours que vous, mais vous pouvez tout simplement partager vos pensées et ces gens-là vont vous aider à vous sentir mieux, tout simplement. Bien. Et ils vont vous aider aussi à avoir les idées moins brouillées. Donc, c'est comme une espèce de réseau social par rapport à l'anxiété, puis tout ça, le stress. Un Tinder du cerveau, si on veut. Tinder du cerveau. Bien, ouais, un peu, mettons, mais je pense que vous n'avez pas besoin d'être ami avec quelqu'un, c'est vraiment juste un mur, puis tout le monde poste là-dessus. Okay, ça semble être ça, en tout cas. Tu veux l'essayer? Non. T'as pas de problème. J'ai pas d'anxiété, puis j'essaye de faire avec mon stress. C'est tout. Ben, une bonne liste, ça. Une application dans le vent, trendy. Oui, puis sachez que sur Android, par exemple, c'est It's Koko. I-T-S-K-O-K-O. Ah. Puis sur iOS, ben, c'est K-O-K-O. Eh ben, voilà. Spécial. C'était, je vais partager l'article sur la page d'assemblage requis. S'il te plaît, on a une chanson pour terminer ta chronique? Oui, la fameuse chanson que je vais vous refaire jouer parce qu'on l'a fait jouer un petit peu plus tôt cette semaine, mais je la trouvais tellement bonne. C'est Golden Age de The Electric Sons. Assemblage requis. Et au retour, on parle du carnaval étudiant en 2016. Restez là. You're giving, push you back into your living. Don't hold back. put your back into your living. Don't hold back. Don't hold back on what you're giving. Put your back into your living. Don't hold back. We're living in a golden age. Electric Sons avec Golden Age. Dans Tania is gonna entertain. Merci Tania. Merci Mathieu. Maintenant, on reçoit Mélina du Carnaval étudiant UQTR 2016. Encore une fois, une dernière fois en fait. Bonjour Mélina. Bon matin. Ça elle va? A l'air beaucoup moins pimpante que lundi. Hein? Ça descend, ça va exploser ça à la fin de la semaine. Ben c'est parce que je me suis levée un petit peu plus tard. Je me suis permis une couple de minutes de plus. Peut-être un snooze de trop. Fait qu'on dirait que c'est pire dans ce temps-là. Mais là, j'ai mon premier café de prix. Après les quatre prochains, je devrais être aussi bonne que lundi matin. Les prochains vont avoir du Baileys, donc encore mieux. Et voilà, j'attends juste que ça rouvre, là. Avant de parler de la journée d'aujourd'hui, parce qu'on est jeudi, on va faire un petit retour sur hier, mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier matin, on avait le circuit athlétique au CAPS avec Isabelle Arsenault, celle qui donne des cours de groupe. Mm-hmm. Elle nous avait aidé pour cette activité-là. Elle les a fait souffrir, nos carnavaleux. Ça suait, là. Ça sentait le petit canard à pattes cassé dans le gymnase, en tout cas. Miam. Déjà que ce gymnase-là, il sent pas bon d'avance. c'était quelque chose. Je sais pas si c'était les effluves de l'alcool de la veille ou si c'était le circuit, là, mais c'était quelque chose. C'était impressionnant, par exemple. Le monde se sont vraiment donné, autant les filles que les gars. Là, thumbs up, j'étais assis à terre, je les regardais, puis j'étais comme... Ah, t'as pas participé à ça? Parce que j'aurais jamais fini ma journée d'hier, je pense. Après ça, on avait le cours de danse country. Oui, j'ai vu ça, les vidéos de ça. Parce que je travaille dans un bar country à Sainte-Perpétue. Bar Le Rebelle, petite pub, da-da-da. Oui, hey, je connais ça. Puis j'ai demandé à la prof de danse, en fait, du bar, de venir donner un cours ici. J'aurais pu le faire, par contre... Je me serais trompée beaucoup trop souvent, le monde m'aurait haï, fait que je me suis dit, on va donner comme un petit kick de plus. Un petit professionnel, là. Ouais, hein? Puis honnêtement, là, les étudiants sont beaucoup plus synchronisés qu'on pense. C'est vraiment très bon. J'étais vraiment impressionnée parce qu'il y en avait que moi, je connaissais pas, les danses en ligne. Puis il y en avait des meilleurs que moi, j'étais quasiment insultée. Puis on a fait 5 danses. Quelle chanson, mettons? Est-ce qu'on les reconnaîtrait? Ben là, évidemment, il y avait la chorégraphie sur Shania Twain. Tout le monde connaissait ça, c'était facile. Mais elle nous a montré des petites passes. Moi puis Vincent, à ELM, on a la petite passe du genou par terre. Fait que là, on l'a montré au monde. Puis honnêtement, là, à la fin, on avait toute l'air d'une gang de cowboys. Ouais. Parfait. Et puis il y en a en plus qui ont mis ça en action hier soir au Beer Fest parce qu'il y a eu comme une espèce de moments où il y avait juste des tunes country, là, et le 10-12 c'était rempli de gens qui faisaient de la danse en ligne. C'était magnifique. Il faut que ça serve à quelque chose d'avoir appris ça quand même. On était, honnêtement, on était à l'entour de 80 hier pour le cours de danse. Puis il n'y a personne qui s'est découragé, il n'y a personne qui... En tout cas, j'ai pas eu connaissance que personne bougonnait, là. C'est parce que, tu sais, des fois, il y en a qui sont comme « Moi, je suis tellement pas de même, puis moi, la danse... » Est-ce que t'as pas à ça, d'abord? Hein? Mais on a fait des danses en couple. OK. Oh. ITR. Deux gars qui dansent le country ensemble. Ça devait être de toute beauté. Écoute, j'avais la... La larme à l'œil, non? La langue à terre. Je veux dire, j'avais la gueule à terre. La gueule. Ça vient de Drummondville. Oui, j'imagine. On apprend du vocabulaire de Drummondville. À chaque jour. Hey, je vais faire une chronique à tous les matins. Mais non, ça a vraiment été un plus. Ellie, elle a vraiment trippé à donner le cours aussi. Puis j'ai eu que des bons commentaires par après. Après ça, on avait la nouveauté hippopotame affamé. Oui! Comme je vous avais parlé hier, là, les petits hippopotames. J'ai vu des vidéos parce que moi, j'étais pas là après le cours de danse, j'avais besoin d'une douche. Fait que j'étais allée j'étais allée pendant ce moment-là, j'ai vu des vidéos, ça avait l'air vraiment excellent. Les animateurs qui étaient là ont dit que ça avait été une réussite, le monde a vraiment trippé. Si tu te rappelles pas, les gars étaient attachés à des cordes avec un panier de lavage dans les mains. Ils devaient aller attraper des balles avec le panier par terre à l'envers. Ils étaient couchés sur une petite planche à roulettes. Okay. Puis c'est l'association qui les poussait. Il fallait le ramener le plus vite possible puis aller chercher les balles avant les trois autres assauts. Ça a été... ça avait l'air violent. Tu sais, le Coco Bung, là, il y a une couple. Là, attends un peu. Pour ceux qui n'ont pas suivi la chronique cette semaine, à Drummondville, un Coco Bung. Coco Bung. Coco Bung, c'est... Coco Bung, pas Bung. Non, Bung. Bung, oui. Quand même, ce serait risible sinon. Hein. Donc, Coco Bung, c'est un cognage sur la tête. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre pour ceux qui suivent? On avait, ben, Troll. Troll. Un Troll, oui, comme Troll. Un Troll. Ça, c'est lundi, ça, le Troll. Ouais, Troll. Mais mardi, j'ai un blanc. Écoute, j'ai... Je pourrais t'en sortir 40 autres, je pense. Mais mardi... Sors ça une fois de temps en temps pour le reste de la chronique. Ouais, c'est ça. Je vais essayer. Après ça, on avait le buffet. Oui. Avec oui. la juge invitée du restaurant L'Éléphant qui a remis les certificats cadeaux pour son repas coup de cœur. Puis, on s'est rendu compte, le comité de 1, tout le monde s'est vraiment donné en lien avec leur thème. Là, c'était... Parce qu'il fallait que le plat ait rapport avec leur thème. Ben, il y avait une catégorie pour les points que c'était en lien avec le thème. Okay. Il y en a que c'était le goût, la créativité, la difficulté, puis c'est ça. C'est ça, on a les quatre. Bon. Puis, la juge est partie seule avec son iPad, puis une personne du comité pour évaluer. Puis on est tous séparés en petits groupes, on se promène, on goûte tout. On s'est rendu compte que, mon Dieu, je sais pas si c'est parce qu'on mange pas de la semaine qu'on est affamé puis que tout est bon, mais on a vraiment des critères très différents. Ça a été... elle a nommé, si je me trompe pas, c'est Bépep qui a gagné. Okay. Puis moi, je... Tu trouvais ça normal, correct ou... Ben, je sais pas. Moi, j'avais pas mal plus de misère à déterminer un gagnant de 1 parce que, écoute, j'avais le sucre dans le tapis à quand tu sais le gâteau qu'il y avait là, je peux pas faire autrement, là. Mais... J'évaluais le thème à la base. Il y en a qui ont poussé vraiment plus que d'autres. Fait qu'on dirait que j'étais comme, ben, tu sais, ça goûte bon, c'est correct, là, non, mais okay. c'était pas impressionnant. Puis il y en a d'autres, j'étais comme, oh wow! Puis elle était comme, non. OK. Ah, tu sais, c'était, ah, ça se tient pas. J'étais comme, moi, ça se mange. Fait que c'est correct. Mais genre, cette semaine, je vais prendre tout ce qui passe. Ça pourrait se boire qu'une paille, ça serait pas pareil. Exact. Ouais, y a pas de problème. Puis le 15 minutes que suivi le buffet, là, on avait l'air de 15 épaves dans le local. Là. Bédaine ben trop pleine, puis c'était... Il y a restants pour le reste de la semaine? Ou tout le monde a mangé? Ben non, c'est ça qui arrive. Habituellement, on leur demande de nous apporter les restants, puis on les donne à un organisme. Ah, c'est fin, wow! On va gaspiller. Cette année, on a fait c'est ça, l'annonce au début pour pas que personne vide les tables trop vite, ou bien s'ils voulaient partir, de nous les apporter avant. Mais les assos peuvent se promener puis manger. Puis ça a été une des premières années que les assos se sont vraiment promenés puis manger. Ça s'est vidé, hein? Fait qu'il restait un demi-bol de riz, c'est triste. Mais tu sais, c'est correct parce qu'il n'y a pas eu de gaspillage. C'est ça. Mais on était comme, man, notre bonne action, ouais, on passera. Faut en faire autre chose. On va trouver autre chose, c'est voilà. Ça. Après ça, on avait la partie de hockey des Patriots contre McGill. J'y suis allée. Les ITR étaient en feu avec leur radio sur l'épaule, les bouteilles pour frapper dans le vide pour encourager l'équipe. C'était une ambiance de feu. Mm-hmm. C'était vraiment une ambiance de feu. Le monde avait des Patriots écrits sur le chest. C'était parfait. Il y avait les autobus aussi, donc ça a été très pratique. Il y en a qui ont pu commencer à se mettre dans le mode du Beer Fest avant d'arriver. Après ça, on avait... Ben, en fait, pendant la partie de hockey, on avait le départ pour le rallye de nuit. Mm-hmm. Ça a été... On a commencé à recevoir les photos ce matin. Il y a un assaut qui a eu un petit accrochage. Oups. Malheureusement, ça s'est fini en towing. Oh. Personne n'est blessé, mais c'est plat. Fait que les fonds, on se dit, maudit, on va essayer de... Parce que c'est un rallye qu'on peut faire en voiture, donc on va partout dans la ville et à l'extérieur de la ville. Écoute, ils se sont rendus jusqu'à Montréal pendant le rallye. Okay. Wow. Les années d'avant, on faisait un rayon de 50 km autour de Trois-Rivières. Là, cette année, on s'est dit, non. On leur met une liste de places à aller, mais on les met pas dans l'ordre. Puis le challenge, c'est de les mettre en ordre pour pouvoir faire l'itinéraire au complet avant 7 heures demain matin. Ah ouais. Fait que la personne qui s'est dit on les fait en ordre ou qui s'est pas mis dans la tête de monter son itinéraire, c'est raté. Ne l'a pas terminé. Mm-hmm. Fait que c'était quand même, tu sais, on a des zoos de Grimbay. J'ai vu du monde, j'allais te demander, j'ai vu du monde à Grimbay en photo sur Facebook, c'était marqué rallye. C'est ça, ça faisait partie du rallye oui. pour vrai. Alors, on les a envoyés jusqu'à Longueuil. Pour de vrai, on l'a passé par la rive sud, puis après ça, oups, on revenait par la rive nord. Wow. Mais il fallait vraiment prendre le temps de les placer en ordre si on avait le temps de terminer. Après ça, on avait bien évidemment le Beer Fest. Mm-hmm. On a fait tirer une belle table de beer pong à l'effigie du carnaval. ITR l'a gagné. C'est un tirage au hasard par les associations. Ah, c'était au hasard? Oui. Parce qu'il a gagné même si ça n'a pas été au hasard. Ouais. Ben, possiblement. Là, écoute, on voulait pas le donner aux gagnants. On disait ça, tu ramasses des points. Fait que pour être kit pour tout le monde, on va juste mettre tous les noms des participants dans le pot. puis ils vont venir la récupérer ce matin. Là, on va essayer de mettre une belle petite photo sur la page Facebook pour montrer à ceux qui l'ont pas vu. Vous êtes vraiment proactif sur le Facebook cette année, ça va vraiment bien. Vraiment. Ben, on a appris à l'utiliser, puis ma responsable de prog utilise les pré-posts. Ouais, ouais. Mm-hmm. Bon. Programmé à l'avance. C'est ça. C'est réussi en maudit, bravo. Merci. Puis, c'est ça, c'est ce qu'il y en était pour hier, Beer Fest, avec le DJ jusqu'à 3h. Une très grosse journée encore. Ça se continue aujourd'hui, jeudi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bien, d'abord, ce matin, il y avait le retour du rallye. Donc, comme tes programmations étaient ici depuis 6h30 ce matin, même si la soirée d'hier s'est terminée à 3h. Là, on a le Café Belaise qui est en cours ce matin. Jusqu'à 10h30 encore. Jusqu'à 10h30. Puis, à 11h, on commence ça. C'est pas vrai. À 10h, le retour de la liste. Les petits objets qu'il faut récupérer. Oui. On a une trentaine d'heures maximum pour récupérer les 50 articles qui sont sur la liste. Vous pouvez le faire même. Vous pouviez le faire pendant le rallye aussi, s'il y avait des affaires que vous pouviez procurer. Oui, exactement. Chez des amis, c'est ça. Il y en a qui appelaient ma tante, mon oncle. Moi, ça, sur le balcon, je vais passer durant la nuit. Une pierre, Hugo. Cassé, c'est ça. Ouais. Et voilà, j'aurais pas pu t'aider pour celle-là. À Drummondville, je pense qu'on dit. Non, dis pas ça à Drummondville, malheureusement. Dommage. Après ça, de 11h à 1h, on a la kermesse, qui a des petites stations avec des petites activités. Un peu comme quand on était au primaire, mettons, là, mettre ta main dans un fort gros boyant. Coffre au trésor, faut que tu trouves tant d'affaires en temps de temps. Ou bien, je sais qu'on a un quiz sur les pros du carnaval. Oh! Donc là, aujourd'hui, je dois garder mon coton ouaté parce que je sais qu'il y a des questions par rapport à mes tatouages. Ceux qui ont le sens de l'observation, à telle place sur le corps de notre coordonnatrice, c'est... Combien d'éléments du tatouage peux-tu nommer? Quand même. Il y a qu'est-ce qui s'est passé pendant le Quidditch, qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire les balais, puis des affaires de même. Tu sais, c'est vraiment poussé, puis je pense qu'il y a des questions sur des années précédentes aussi. Ah oui. Donc, on va vraiment pousser. Les vrais pros. C'est pointilleux. Ouais. On va voir. C'est difficile de ramasser des points au carnaval étudiant. Après ça, on a le défi Lucas. On a trois participants aux cheveux longs et touffus et épais qu'on a hâte que ça disparaisse. Donc, comment il s'appelle? Mathieu, quelque chose? Mathieu, oui, il est dans mon bac. Mathieu, c'est touffé pas mal. Mais ça, il laisse les rasés au mois d'octobre pour le fait. Non. C'est toi qu'on met au défi, le gars. Mais oui. Mais c'est correct parce que je sais qu'il a ramassé quand même une bonne somme d'argent. C'était 500$ son objectif. Si je me trompe pas, il était à 25$ lundi matin. Prêt? Non, il manquait 25$ pour arriver à 16 ans. Okay. Là, il s'est sûrement rendu quand même. D'après moi, oui. Fait que c'est ça, de 1 à 2, c'est dans le hall d'entrée entre Ringuet et Albert Tessier. On va mettre ça là avec Défi Le Camp. Par la suite, on s'en va à l'extérieur pour le Défi S3 avec bien évidemment l'animateur de S3 et on a David Ditti qui vient offrir du thé gratuit aux gens qui viennent voir. On a des cadeaux à faire tirer aussi pendant le Défi S3. Des serviettes, des trucs pour mettre ta canette pour que ta bière reste froide, c'est toute ta pratique. Des cousis. Des cousis qu'on appelle? Ouais. J'appelle ça des cossins pour la bière froide. Tu vois, une autre affaire encore. Après ça, tu vas être avec nous, Mathieu, pour l'improvisation. Ben oui, à 16h. À 16h jusqu'à 18h. Au 10-12? J'ai entendu dire au 10-12, ça va être avec la joueuse Vanessa Forcier. On va animer ça ensemble tout à l'heure. Après ça, on ramène les visionnements cette année. Les deux dernières années, on avait utilisé les likes sur Facebook pour les vidéos. C'était pas très juste pour les associations qui sont très nombreuses comparativement à ceux qui ont juste comme une trentaine de personnes dans leur cohorte. Donc, visionnement à la chasse-galerie, visionnement on va s'asseoir. Visionnement de quoi, là? Vidéo de quoi? C'est une vidéo qu'ils doivent monter durant la semaine. Cette année, c'est une journée typique du stéréotype qu'ils ont pigé. De leur thématique. Exactement. Ergo sont les rockers, une journée typique d'un rocker. Fait que là, il faut qu'ils nous fassent une petite vidéo d'environ 3 minutes. Ouais. Puis, on va visionner ça tout le monde ensemble avec du popcorn puis de la bonne bière à chasse-galerie. C'est fun. Je pense que c'est nécessaire de ramener ça. Oui, c'est plus relax. Le monde va pouvoir toutes les voir. Puis, même nous, on s'est interdit de les regarder pour être sûr de regarder en même temps que tout le monde. Pas de spoiler. Et voilà. C'est difficile, là. Ils sont tous sur mon ordinateur, là, mais non, ça va être le fun. Puis moi, je l'ai jamais vécu non plus, le visionnement, fait que ça va être une nouveauté pour certaines personnes. À partir de 18h30 jusqu'à 19h30, c'est la vente de billets pour la bière de la chasse-galerie. Ça va être à notre local du carnaval, au 1055 au Pagnon étudiant. Puis ça va être important de prendre en considération que le nombre de billets que les gens achètent, ils ont 45 minutes pour les boire. Donc, il faut essayer d'être raisonnable et... Quand même, hein? Réaliste. Parce que là, cette semaine, du petit vomi, on a eu en masse. Ah, il y en a plein dans le parking en avant. Ah, cool. C'est de toute beauté. J'ai réussi à avoir un défi, ramener le vomi, genre une quantité de vomi dans un contenant. Hein? Y a... Non, faut se mettre des limites à un moment donné. Là. Dans tes pogames. C'est ça. Ouais, c'est va récolter tout le vomi de cette semaine. Il y en a un qui a voulu faire ça, par exemple. Il y a approché à Chaudière, j'ai fait non. S'il te plaît, on va le laisser où qu'il est, il est bien. Après ça, la chope d'or. Oui. Encore de l'alcool. Hein? De l'alcool, mais ça, il n'y a pas de points pour la chope d'or, faut le rappeler, parce qu'il y en a qui pensent que plus j'achète de billets, plus je bois, plus j'ai de points. Non, c'est juste une célébration, en fait. C'est juste pour permettre aux gens de la chasse-galerie de s'installer avec le bar derrière, pour pas leur demander d'arriver à 19h. Puis, on fait une ambiance tout le monde ensemble. Après 45 minutes, en fait, je rouvre les portes à 9h30. OK. Un coup qu'on considère que tout le monde est arrivé, quand ça termine de rentrer, on ferme les portes. 45 minutes pour boire les billets, le temps que tout le monde s'installe. Après 45 minutes, on annonce le gagnant avec le trophée. Puis par la suite, c'est juste la célébration habituelle là, de chandail, de bière et de remerciements au comité pour leur dire bravo, vous avez fait une belle job. Oh. Donc, il n'y a pas d'activité demain. C'est ça, c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin, c'est la fin. Ça va se terminer à 3h. On a un DJ. Qui est avec nous ce soir. Et en tout cas, je sais pas si on va le voir. On va essayer de le protéger. Là. On va essayer pour pas briser de stock. Mais non, c'est ça, jusqu'à 3h. Puis après ça, bien évidemment, on invite ceux qui veulent nous aider à nettoyer le plancher. c'est toujours apprécié. Parce que les concierges, c'est pas leur job. C'est votre job de ramasser. Ben non. En fait, nous, on fait le premier coup de pelletage de Squeegee par terre. Ouais. Après ça, c'est Sodexo qui vient avec la Zamboni pour nettoyer. Okay. Nous, on nettoie le gros, puis eux, ils s'assurent que demain matin, ça soit semi-vivable dans le 10-12. On va dire ça comme ça. Ça va sentir bon demain. Ça va sentir le 10-12. Oui, l'odeur normale du 10-12. Voilà. C'est-à-dire moyen. Donc, ouais, c'est ça finalement. Voilà, donc dernière journée, on n'en reparlera pas tant que ça du carnaval. Peut-être en parler un petit peu lundi en bref pour se rappeler de la journée d'aujourd'hui. Mais sinon, on te remercie, Mélina, d'être passée à chaque jour cette semaine. Ça me fait plaisir, ça donne une raison de me lever le matin. Non, c'est pas vrai. Je rêve au carnaval. Non, c'est ça. Elle s'inscrira pour une autre chronique à un moment donné. Ben oui. Si elle veut se lever le matin. Hein? Merci, Mélina. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Donc, nous, on va prendre la pause. On est un petit peu en retard sur la pause, mais après ça, on va voir Gabriel Béhoud avec Dans les coulisses de la lutte qui s'en vient. Et on va essayer de se squeezer un petit peu d'une grosse pointe d'allresse. Ben oui. Dans quelques instants. Assemblage requis. Assemblage requis. Yay! Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis en ce jeudi 28 janvier 2016. Dans quelques instants, Gabriel Béhoud va être avec nous pour la chronique Dans les coulisses de la Luître. On a aussi une grosse pointe en dresse avec un produit à déguster. C'est dans mon sac. J'attends juste d'avoir le temps et le moment dans l'émission d'aujourd'hui pour le faire. Mais avant ça, en musique, et voici Paupières. Une nouvelle entrée du palmarès francophone, 5h. À Assemblage Requis. Just the morning.

Tania? Non, on n'a jamais parlé de ça. Ben, nous voilà en train d'en parler. Au Japon, McDonald's sert ses frites célèbres avec une combinaison de chocolat blanc et de chocolat noir en drizzle, en petit coulis, si on veut, à partir du 26 janvier, donc avant-hier. Ils appellent ça Mec Choco Potato, évidemment. Ben, évidemment. Oui, pas le choix, c'est ça. Mec Choco Potato. Y a-t-il quelqu'un qui est surpris? Le comité a sorti ça à l'unanimité. Mec Choco Potato, ils ont tous voté oui. C'est ça, donc sucré, en même temps salé. Et sûrement savoureux. Donc, ça va être disponible jusqu'à la mi-février pour 330 yens. Donc, cotisons-nous, hein, c'est environ 3 $ américains. Non, c'est pas super. Des frites avec des garnitures comme ça, ça n'a jamais été offert en Amérique du Nord, mais McDonald's a déjà offert des frites garnies de bacon et de fromage au Japon. Oh. Et ça, c'est un petit peu plus traditionnel. Ouais, mais c'est tout le Japon que tout, là. C'est incroyable. À toute fois, on dirait que vous parlez de McDo. Ouais. C'est toujours au Japon. Toujours au Japon. C'est tout les plus originaux ici. On est des plates conservateurs traditionnels. Ensuite, justement. C'était si bien dit. Ben voilà. Aux États-Unis, maintenant, on a des Oreos, à savoir de brioche à la cannelle. Oh! Mmh. Cinnamon bun, c'est la plus récente saveur de biscuits Oreo. Moi, j'aime beaucoup dire cinnamon bun. Donc, les nouveaux biscuits, c'est des gaufrettes à la cannelle avec une crème à saveur de brioche à la cannelle. Ça vient en emballage de 12,2 onces. Disponible partout pour 3 $ aux États-Unis. Dollars américains, bien sûr. Ils sont aussi vendus sur Amazon. Donc, quand j'aurai trouvé le lien pour commander des produits sur Amazon, comme j'ai dit tantôt dans la chronique, c'est ça devrait prendre là, qu'on peut commander aux États-Unis, puis ça s'est shippé au Canada, puis comme une façon de contourner les règles un peu. Donc, vous allez peut-être pouvoir vous en procurer. Ils sont en stock en ce moment même. Et 3 $ pour l'emballage, je trouve que ça a bien du sens. C'est les mêmes, évidemment, Oreo qui ont sorti cette année les Red Velvet Oreo. Ben oui. Ouais, mais on dirait Oreo, le classique est très bon. Ben oui, mais des fois, tu veux de la variété dans ta bouche. C'est vrai. On aime ça, des fois. Justement, c'est un autre qui est bon dans la bouche et le mouvement est tout le temps très, très efficace quand on mange ça. Un Magnum. Oui! Bien sûr. On a tous vu les publicités avec notre chère amie, la fille de Newport Beach. Là. Hein? C'est qui? Rachel Bilson? Oui. Oui. T'as boire. Oui. C'est elle. Ça, Bilson, c'est elle? Moi, c'est elle. Ouais. Bref, c'est les meilleurs pubs. C'est la brune ou la blonde? La brune. Ouais, Rachel Bilson. C'est la mienne, ça. Donc, les Magnum double framboise. Double raspberry. Donc, c'est de la sauce à la framboise et autres saveurs naturelles. Et chocolat au lait. Trempé dans un emballage, dans un enrobage de chocolat. Donc, c'est la crème glacée à la framboise, trempée dans le chocolat, avec de la sauce à la framboise dans du lait au chocolat. Et c'est fait avec du chocolat belge, imaginez comment ça va être bon. On connaît les Magnum double chocolat, les Magnum double caramel et les doubles barres d'arachide, donc pourquoi pas double framboise. Pour une barre, c'est 260 calories, juste comme ça. Tania. C'est écrit, ça boîte, là, ouais. C'est la photo qu'il y a. Mais ouais, mais là. Ben là. Tu t'attends à quoi? C'est un Magnum, c'est un cadeau que tu te fais. Regarde pas les calories. Hein? C'est ça. Ouais. À un moment donné. OK. On revient chez McDonald's, les amis. Avec McDonald's en Italie qui sert des burgers inspirés par les États-Unis. Donc, c'est en Italie, hein? Et c'est avec un pain étoilé. Donc, ça s'appelle Great Taste of America chez McDonald's en Italie. Et c'est des burgers avec un pain en forme d'étoile. Donc, vraiment, il y a des pointes sur le pain. Il y a différentes sortes de pain. Donc, il y a du pain sésame, du pain nature, du pain plein de sortes, mais tout le temps en étoile. C'est ça, il y en a un nature, un au cornmeal. Je connais pas trop ce que c'est en cuisine, cornmeal. Et grains de sésame. Donc, c'est sur 5 hamburgers qui sortent sur un horaire. Donc, tu as celui qui est inspiré par New York, qui est le Empire Classic. Tu as ensuite celui qui est inspiré par l'Arizona, c'est le Route 66 Smoky Bacon, bacon fumé. Celui qui est inspiré par le Texas, qui est Ranch Barbecue. Et celui inspiré par Los Angeles, qui est le Hollywood Supreme. Tu as finalement celui qui est inspiré par Miami, le Ocean Drive Special. Là, évidemment, la description de tous, là, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Il y en a qui sont avec du bacon, bœuf, laitue, différents fromages, différentes sauces en combinaison. Et aussi sur leur menu en Italie, t'as le Crispy Chicken Sandwich avec un pain étoile, laitue, fromage, bacon et une sauce avec du homard, du crawfish pané, okay. Des ailes de poulet. Évidemment, tout ça indépendamment, pas dans le même... Ah, je pensais que c'était dans le même burger, ça aurait été pas pire. C'était ma phrase, c'était drôlement construit. Tu trouvais ça aurait été pas pire, toi? Ben, tout ça ensemble. Moi aussi. C'est tellement d'affaires ensemble que tu finis par plus goûter rien. Là. Ouais, ben, ok. C'est ça. Et t'as le Choco Peanuts McFlurry. Ouh! Pas de Choco Peanuts, Tania. Le Choco Peanuts. J'avais pas pensé à autre chose, ok? Ne m'inquiétez pas. Voilà, donc c'est ça. Clairement, tu pensais que je passais à autre chose. Absolument pas. On reste chez McDonald's avec des mandarines offertes chez McDonald's. Ah ouais. C'est n'importe quoi, ça. Donc, on est dans quel pays? Ça doit être des îles quelque chose. Ça. Non, je crois que c'est aux États-Unis. Ouais, quand t'as envie d'une bonne mandarine, tu vas chez McDo. Pourquoi pas? C'est une option sur les joyeux festins. Donc, la chaîne de burgers a présenté cet agrume minuscule comme à côté pour leur joyeux festin en décembre 2014 aux États-Unis. Apparemment, ça a vendu plus de 38 millions de mandarines. Oh my God! T'as aussi le choix d'avoir des tranches de pommes, comme on a ici, des go-gurts, Yogo à la fraise, disponible à l'année longue, alors que les Cuties, les petites mandarines, sont disponibles dans les restaurants McDonald's à partir de début mai cette année, aussi entre novembre et avril dans certains endroits. Voilà. Eh bien, ça me surprend. On va arrêter là-dessus. Voilà. C'est tout. On a fait juste un petit bloc de nouvelles, pas grand-chose. On en fera plus la semaine prochaine parce qu'il n'y aura pas de carnaval dans nos jambes. Ne sois pas méchant. C'est toujours le carnaval dans nos jambes. Hein? C'est always. Wow. Mon Dieu. Surtout avec le Mexico penis. Oui. C'est tellement wrong ce que tu viens de dire. C'est inapproprié. Hein? Tellement inapproprié. Bref, nous voilà à la conclusion de cette chronique d'une grosse pointe d'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Et maintenant, transitionnons subtilement comme on aime si bien le faire quand on manque de temps précieux. À la chronique de la Luitre. Donc voici Gabriel Béhoud et dans les coulisses de la Luitre. Salut! Hello. T'es avec nous dans une case spéciale, un jour spécial, oui, heure spéciale. Oui. Non, en fait, ton heure est la même que d'habitude, donc jour. Oui, c'est vrai. Donc, pour parler de la Luitre, qui est particulièrement spéciale en ce moment-ci de l'année. Ah oui, cette semaine, c'est spécialement spécial. Il se passe rien d'habituel parce qu'il n'y avait pas de match lundi dernier. Non. C'est pour ça qu'on ne t'a pas reçu mardi. Exactement, parce que c'était le carnaval, donc lundi passé, si je ne me trompe pas, c'était le une blague, une bière. Une bière, parle en anglais. Ah, mais moi, je dis tout le temps une blague. Je préfère dire le mot blague, oui. Ça sonne mieux. Pour dire blagounette. Une blagounette, oui, c'est ça. Ça, c'est une petite blague. Oui, ouais, exactement. C'est fun, hey, hein? Hein? Souvent, ça. Mais voyons, c'est une petite blagounette. Prends pas ça comme ça. C'est une jokeounette, c'est ça. Ouais, c'est une jokeounette, ça passe moins bien. Une jokette. C'est comme une jaquette. Une jokette, je trouve que ça sonne trop proche. Un mec choco. Ouais, ça sonne chocopénis. C'est ça. Fallait être là pour la précédente chronique. Donc, il n'y avait pas de match lundi. À la place, on en a un aujourd'hui, jeudi. Oui. Aujourd'hui, c'est un match très, très, très particulier, Mathieu. Oui. Sais-tu pourquoi? Pourquoi donc? Parce que c'est le carnaval étudiant. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ça sent normal. L'odeur de l'université est complètement normal. C'est incroyable. Ça sent le carnaval. Ça sent le carnaval. Puis si tu passes devant un certain local d'association, ça sent la campagne parce qu'ils sont tous campagnards. Ah, leur thématique, ben oui, c'est ça. Ah ouais? Ils ont du foin en avant de leur local d'assaut. Ah ben, ils prennent ça au sérieux. Ben oui. C'est le fun, même ça. Qui disent qu'ils le fument. Ouh! Qui disent qu'ils le fument. Ceci étant dit, le match d'aujourd'hui, en fait, met en scène des joueurs de la Luitre, en fait, qui vont former deux équipes. OK. Ces deux équipes-là vont jouer avec des joueurs issus de chaque association étudiante. Donc, t'es en train de me dire que les joueurs de chaque association étudiante vont jouer avec des joueurs tout étoiles de la Luitre. Exactement. Voilà. Oh my Donc, God. C'est ça. Les joueurs de la Luitre sont là pour épauler les joueurs des associations étudiantes qui, eux, se présentent pour avoir des points pour le carnaval et aussi, ben, du plaisir. Ben oui. Le tout sera arbitré par Nadia Tranchemontagne et animé par Vanessa Fortier. Et moi. Exact. Quel hasard incroyable. L'animateur de la Luitre a démo aussi un match spécial du carnaval. Donc, j'ai jamais vu. Ça devrait être assez plaisant parce que moi, je risque de jouer. D'ailleurs. Okay. Oui. Et puis cette année, je pense qu'on va faire une petite tag team auprès des joueurs de la Luitre. Comme à la Luitre. Oui. La Luitre, ça va être la Luitre. Ouais, parce que les expériences passées ont permis à vraiment tous les improvisateurs qui ont fait ce match spécial-là de se rendre compte que ça peut être long, deux heures. C'est ça, c'est difficile parce qu'un match traditionnel de la Luitre dure aussi deux heures. Oui, avec une petite pause. Avec une petite pause, c'est ça. Mais en tant que tel, tu joues pas tout le temps. Tu sais, non. Des comparés, t'as des mixes et des fois, t'es pas sur la scène pendant plusieurs impros de suite. Alors que là, tu joues pas mal beaucoup et ton rôle n'est pas nécessairement d'être super gag. Non, c'est aussi. Mais c'est de mettre en valeur les joueurs de la communauté universitaire. C'est parfois difficile. Oui, parce que des fois, il y en a des pas très bons. Mais des fois, il y en a des tellement bons qui vont font le camp et ils finissent dans l'huit. Oui, définitivement. Ben, c'est le fun pour ça, cette activité-là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui rechignent à j'irai pas faire le camp d'entraînement, blablabla, je suis pas si bon, blablabla. Puis blablabla. Ils parlent tout le même, blablabla. C'est le nouveau hashtag blablabla. Oui. Exactement. Et puis, ces gens-là. Parfois, ils vont briller telle une étoile. Au soir du carnaval. Waouh! Incroyable. Donc, ils vont avoir la chance d'affronter en fait d'autres étudiants ainsi que d'autres joueurs de la Luitre en même temps. Deux assos s'affrontent. Avec un joueur de la lutte et un joueur de la communauté? Non, c'est non? Des équipes de quatre. Okay, donc, c'est deux joueurs de la lutte, deux joueurs des assauts. OK, OK. Et puis, comme je disais, ben, il va y avoir une tag team auprès des joueurs de la lutte là, pour essayer d'avoir un petit roulement ben, pour qu'on puisse, un, se reposer. Là. Mais c'est pas oui. tant exigeant physiquement, mais c'est mentalement, des fois... T'es un peu à court d'idées quand t'es rendu... Mm-hmm. Puis tu sais, c'est souvent des jokes de, t'sais, avec les étudiants, des fois, des jokes faciles. Oui, il faut quand oui. même que tu construises là-dessus, sur des jokes de pet puis de poitrine, puis de baiser en gars tout le temps. Il va en avoir au moins un par soir. C'est ouais, sûr. Ouais, ce ouais. soir, c'est sûr. Non, ça, c'est officiel. S'il y a deux gars qui représentent genre... ITR. Ouais, c'est sûr. Exemple. ITR ou Kiro, peu importe. Là. Ben, ça risque de frencher fort. Ouais. Ben, ça, généralement, clair. Moi, j'appelle ça... je sais pas si je peux utiliser cette expression-là, mais j'appelle ça faire la plate à public. Oui, oui, oui. Tu peux pas. Ça, mais ça arrive c'est... aussi. c'est trop tard. C'est trop tard. Mais, puis ça, même des improvisateurs chevronnés le font parfois. Par exemple, moi, je trouve. Tu faisais des noms, hein? Oui, oui, oui. Ça m'a fait du name nom, mais... dropping, hein? Non, ben non, ben non, ben non, ben on non. On te ben moi, surveille. Le move se mettre en chess. D'habitude, ça gagne des points. Ouais. Ah, mais là, au carnaval, ils sont déjà tous en chess. C'est ça. Ouais, ouais, ouais, y a ça. C'est, ça va être bas, ça va à moins que ça soit une fille qui se mette en chest, là. Oh, là, tu gagnes automatique. C'est ça, t'as ça, pas contre, ça, t'imagines ça, le nombre de points que ton assaut gagne. Ça, je suis pas con. Ça, je trouve que c'est une bonne idée et qu'on voit pas ça assez souvent. Ça ouais. manque, ça manque. Selon Gabriel, devrait c'est... en avoir plus. Ça reste le public oui. qui vote. Oui. Pour oui. L'équipe gagnante. Oui, oui, oui. À chaque improvisation. Évidemment, j'imagine que les thématiques vont être moins sophistiquées ou compliquées qu'à un match traditionnel. Il n'y aura pas de conférence de presse, je ne crois, non, fusillade c'est et autres. Ça va être des traditionnels. Généralement, c'est trois impros. Ouais. Donc, ça va être soit deux mix, une comparée ou une comparée deux mix. Genre, et ça, on parle par deux associations. Donc, après ouais. ces trois impros-là, on change pour deux autres associations. Exactement. Donc et sûrement deux autres joueurs de la lutte aussi. C'est ça. Quatre. Et puis, il n'y a pas de finale à rien parce que ben on a deux heures. Donc, ouais. Chaque équipe passe et puis ils ont l'occasion de faire des points pour leur victoire. Ouais. Donc, et ça va durer la case horaire officielle. Ça ne dépassera pas comme un match normal de la lutte là, parce que l'horaire doit être suivi pas mal. Oh, exactement. Donc, 16h à 18h, c'est au 10-12. Donc, notez oui. Heure spéciale, jour spécial, endroit spécial. Exactement. Joueurs spéciaux. Toujours gratuit. Toujours gratuit. Toujours ouvert au public. Donc, si vous voulez venir au 10-12. Oui, messieurs, je m'en ai dit. Je pense que je vais faire un tour ce soir à mon premier match d'impro de la lutte. C'est le fun parce que c'est le bonheur. C'est ça qui est le fun. Les gens vont pouvoir venir comparé à 20h où les gens sont effoirés dans le divan devant la voix. Surtout le lundi. 20h le lundi, là, c'est difficile. C'est quoi qui joue le 20h le lundi? C'est si important que ça. Non, je fais mes chroniques pour le reste de la semaine. En tout cas, rabat-joie. Ouais. Bref, ce soir, ce jeudi, après-midi à 16h. Ouais. Oui. Ensuite de ça, la lignée continue avec d'autres spéciaux. Oui, un autre match spécial. Dimanche. Et ça? Non, je le crois pas. Un match contre la mythe à Shawi. C'est quoi ça? Donc, au salon Wabasso, là, ça, c'est le salon de la brasserie du diable. Demandez-moi pas c'est où, je sais pas encore. C'est au centre-ville de Shawinigan. Ouais, c'est ça, c'est à Shawi Downtown. Donc, n'oubliez pas de barrer vos portes si jamais vous venez. Mais ce match-là, en fait, va opposer les deux noyaux de la lutte, okay. c'est-à-dire moi et Vanessa Forcier, et puis Alexandrine Pichessire et Francis Dugré-Lampron. Wow, des gens qui se sont auto-nominés et que les gens ont voté pour ça. En fait. Ça ouais. Non, ça, okay, c'est ça. C'est un match spécial où on va de notre plein gré, donc les gens se sont nommés. Et puis, c'est le concept, c'est en fait, c'est deux duos, deux de la... Font deux joueurs de la mythe, oui. deux joueurs de la lutte. Comment ça présenté en première partie, en deuxième partie, les deux autres duos. Okay. Et puis, il y a un joker. Oh. Le joker, c'est un joueur qui, en première partie, sera peut-être de la lutte ou de la mythe, et l'inverse en deuxième, qui joue pour les deux équipes ou pour aucune équipe. Hey. En fait, le joker, il est là un peu pour foutre la marde. Ben, c'est ça. Et puis, ça devrait être assez intéressant. Moi, j'ai jamais... assister à ce genre de match-là, encore moins jouer à l'intérieur de ce genre de match-là, ça devrait être pertinent parce que moi, l'avoir su, j'aurais donné mon nom pour être le joueur Joker. Parce que être Joker, c'est pas pire. C'est plaisant quand t'as aucune limite et puis que tu t'en fous, tu joues pour aucune équipe. D'habitude, ça donne. Est-ce qu'on sait c'est qui va être le joueur Joker ce soir? Secret, dimanche. Notre joueur Joker, on va pas le dire parce que si les gens de la mythe sont à l'écoute, premièrement, ils en savent déjà trop. Ouais, déjà en partant, ça va mal. Fait que on garde ça très secret. D'ailleurs, on a plus de communication avec eux. Nous, on discute en morse parce que je suis sûr qu'on est suivi. Ah ouais, donc, c'est clair. Les micros sont... Tapés. Mythe qui, évidemment, tout le monde le sait, hein, le mythe, ce que c'est le groupe d'improvisation de la Mauricie se produisant principalement à la microbrasserie, le Trou du Diable. Non, je sais que le mythe veut dire quelque chose, je l'ai trouvé. Ah ouais, mais là, je trouvais que c'était long comme titre. Ouais, c'est ça. Et que ça fitait pas avec l'acronyme mythe. Mythe. Okay. C'est le mouvement d'improvisation théâtrale et d'expression spontanée. Voilà. Ah. Hein? C'est pour ça que c'est le mythe, parce que c'est le mouvement d'improvisation ouais. théâtrale et d'expression spontanée. Oh oui, mythe avec un I et non, un Y. M-I-T-E-S, voilà. C'est bien ça? Oui, ça devrait être assez plaisant, merci. D'ailleurs, si les gens à l'écoute veulent venir faire un tour, la bière est excellente. Oh boy! Ça va convaincre pas mal de monde. Oui. Donc c'est dimanche à 19h. Oui, oui, exact. Donc c'est pas si loin, là, Chaoui. Là, c'est ben non. C'est même pas 20 minutes? Non. Non, c'est ça. Et c'est gratuit aussi, comme la lutte. Faites du covoiturage. Oui. Cool. Donc ça, c'est dimanche soir, Shop du Trou du Diable à Shawligan. Oui. Ensuite de ça, on va à lundi. D'impro. Oui, là, c'est lundi normal. Soir. Lundi soir, ce sont les Bleus contre les Verts qui vont s'affronter. Absolument, donc premier match de février, donc 1er février, Bleus contre Verts, c'est bien ça. Oui, donc ça devrait être un match assez intéressant, dans le fond, de voir les formations de Nadia Tranchemontagne et de Vincent Rainville s'affronter. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ce sont l'équipe qui est dans le haut du classement versus l'équipe bas classement? Un instant, je pense que oui, je pense que tu as raison. Donc, bleu est à 9 points et vert à 4 points en première et donc, dernière place. Donc, on pourrait être très surpris parce que les Verts, c'est une équipe qui est très surprenante. Mm-hmm. Et puis, ben les Bleus, comme toujours, on a l'expérience qui est au rendez-vous. Touche de gris, tu comprends? Les touche bleus, de c'est gris. Ça. Touche ben, de justement, gris. Parlant de touche de gris, c'est pas vrai du tout. Ben, Vanessa Fortier, c'est une méchante grosse période pour elle parce que là, elle va animer cet après-midi le match elle joue 12. Dimanche. Elle joue dimanche et elle joue lundi. Oui. C'est de quoi, elle joue peut-être même mardi à la lime. À la lime en plus, ouais. elle sortira pas elle de sa vie. Mais je pense qu'elle a déjà tout écrit ses impros pour dimanche, lundi, puis peut-être c'est mardi. Ça. Ils sont toutes écrites. C'est donc, tout scripté, là. C'est ça, c'est déjà préparé. C'est écrit dans sa main. Moi d'ouvrage. Bon. Mm-hmm. Donc, quand même, une belle période pour les fans d'impro en ce moment. Ah oui, définitivement. Vraiment le fun, un mois pertinent à souhait, le mois de janvier. Oui. Il y a eu beaucoup de pauses et de changements. C'est pas habituel comme horaire. Vous êtes non, pas, exact. D'habitude, c'est lundi. Oui. Monday. Ben là, c'est Monday, Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday. Oui, cette chanson-là. C'est qui ça, les... Les U2. Les U2, c'est ça. Ouais. Voilà. Groupe très surestimé. Sous-estimé. Ben, c'est un groupe très estimé. Ben quand oui. ils se commandent des hot dogs, ils prennent tout le temps ça estimé. Oui. C'est clair. C'est clair, hein? Avec quoi dedans, je sais pas. Il y en a qui prennent juste ketchup dans leur hot dog, je me dis comme, voyons autre. Hey, moi avant, je mettais rien dans mon hot dog, absolument rien. Saucisse pain, puis c'est quoi, margarine, genre? Non, rien. Saucisse pain. Je trouvais tout le temps qu'il y avait trop de ketchup. Tu sais, exemple, tu mettais du ketchup dans ton hot dog, il y avait trop de ketchup. Ça goûtait juste le ketchup, j'aimais pas ça. Puis j'aimais pas le fait que quand je mangeais mon hot dog, ça coulait tout le temps. T'aimais pas ça, le plaisir? Ouais. Non, mais je veux dire, garde-le. Mets tes garnitures en dessous de ta saucisse, puis ça va arrêter de couler, bâtard. Certainement. Hein? Non, mais tu sais, mettons. C'est là où que je mets toutes mes garnitures, Mathieu. C'est... Ah. Quoi, c'est vrai? En dessous de ta saucisse? Oui. Ça lubrifie le. All dress. Le pain. Ça y lubrifie le pain. Oui. Dans le petit embout. Oui. On appelle ça? Oui. Ouais. C'est quoi, toi, tu mets dans ton hot dog? Mais pas de vinaigre. All dress, tout le temps. Mais dans le fond, la petite garniture d'oignons et de salade de choux? Certainement. C'est bon, ça. Mais dans le fond, il y a deux combinaisons. Je suis assez classique. Puis même dans mes Subway, j'ai comme deux combinaisons. Hey, des fois, c'est vrai, hein? Subway? Tu vois, chez Subway, tu te dis, ah, ça pourrait être bon, Subway. T'as comme un éventail de possibilités incroyables. Ouais, c'est une étape à manger le même Subway. C'est tout le temps. Ah, c'est bon. Ranch, bleu bacon, extra bacon. Dans c'est mon ça. Ouais, ben, moi, c'est all dress ou ketchup mayo. C'est dans ton Subway? Ouais, non, dans son dog. Hey, j'ai entendu une blague. Parce que il y avait une blague, une bière. Et puis, là, il y a des gens qui soumettaient des blagues pour la personne qu'elle a rencontrée. Puis j'ai entendu une excellente blague, Mathieu. Tu t'en rappelles? C'est une blonde qui rentre chez Subway. Elle dit, oui, bonjour, j'aimerais ça avoir du ketchup dans mon Subway. Elle dit, ah, on n'a pas de ketchup ici. Ça m'attend sur le level des blagues, c'était une blagounette. Oui, blagounette. Hein, tu veux dire super méga blague. C'est parfait, ça, c'est super. Moi, ça me fait très rire. Ça m'a vraiment fait rire parce que c'est la blague finit là, puis, mais c'est ça. Pas de ketchup. Mais oui. Non, pour revenir au hot dog, là, ouais, c'est ça. C'est all dress ou ketchup mayo. Mais si tu le prends à steamer ou toasté, c'est l'affaire aussi. Ben non, steamer. Moi, je le prends à toasté, j'aime ça quand ça me pousse dans la bouche. Ah, steamer. Oui. Devil. Steamer. Non! Steamer, c'est bien meilleur. Steamer, ça fait trop passer à la petite vie. Non, j'aime pas ça, moi. Steamer pareil. Ben oui. Ben oui. Tu sais, c'est malade, t'as ouais. pratiquement pas besoin de mastiquer. C'est ça qu'il y a. Ben, c'est comme les grands tu mangeurs. Tu l'écrases dans ton palais avec ta langue. Blablabla. Fini. Tania, quand on trouvait ça sec tantôt, comment tu faisais pour te rentrer au complet dans la gorge? De quoi ça? Ouais. Un dog sec tantôt, pas de garniture, rien. C'est, oui, c'est estimé. Ok. C'est estimé, donc ça coule bien. C'est ça? Ouais, exactement. Okay. Mais là, maintenant, je suis rendu à mettre un petit peu de ketchup, un petit peu de moutarde. Ah. J'ai évolué, là. J'ai pris des responsabilités. J'ai mis du ketchup et de la moutarde dans mon dog. T'évolues un peu. Ton exactement était très, très genre ontarien, je trouvais. Ouais. Oh, exactement? Non, tu l'as pas dit comme ça. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Bref. C'est quand je connais beaucoup d'Ontariens. T'es carré, non, c'est vrai. Non, les joueurs de hockey sont morts. Ah! Non, des pilotes de course. Pilotes de course. À connaître les gars en pilote de course puis en hockey. Ouais, c'est-tu pire un pilote de course ou un joueur de hockey, en fait? Ils ont-tu leur propre coupe de cheveux? Parce que des joueurs de hockey, des joueurs de hockey, t'es voué venir, là, 50 000 pieds d'avance, tu sais qu'ils jouent au hockey. Il y a soit un pad ou genre raser ses côtés avec, tu sais, la genre de. Ouais. De couette. Ben là, je fais un mouvement pour les. Mais avant, c'était la back coiffe, là. Ouais, c'est avant, ça. C'était la back coiffe. Ça s'est jamais vu en course automobile. La back coiffe, je dois l'avouer, les pilotes de course ne l'ont jamais adoptée et je suis très contente. Moi, je m'ennuie des pilotes de course, tu sais. À part. Bleachés avec des petits tips, là. Ouais, ouais, ouais. Frosted tips. Justin Timberlake. Ouais, exactement. Ça, là. Dans le temps de Jacques Villeneuve, il y avait ça. Il était là, Jacques. Il était malade. Jacques. Mais moi, j'aime mieux Jacques le Mononcle. Le Mononcle était incroyable. Très drôle. Qui ça? Mononcle. Mononcle Jacques Villeneuve. Je pense pas à Manon Réon. C'est comme Manon. Manon Réon. Manon Pézot. La chose de hockey dans le temps. Ah oui. Mais oui. Mais elle gaulait pas, elle. Ouais. Ben, c'est toujours ouais. même si c'est goaler, c'est vrai. Elle a eu un contrat professionnel en plus dans la LNH. Sérieux? Ouais, mais elle était comme backup goalie. Ok, ben, elle a pas joué, mais souvent. Quand t'es backup, là, tu joues pareil. T'es-tu ouais. payé, tu penses? Ben oui, ouais. certainement. Ben oui, c'est clair. Tu grassement, rien en d'autre. Plus. Très ouais, grassement. Ouais, ouais. Hey, cette conversation, on va devoir continuer à un autre moment donné, parce que c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Gabriel. Hey, ça me fait plaisir. On rappelle. Oublie pas la garniture sous ton pain. Oublie pas. Non. Le wifi bien comme faut pour rentrer dans la gorge. Oui. Donc, jeudi après-midi 16h au 10-12. Oui. Dimanche 19h au Trou du Diable. Oui. Web Asso Truc. Et lundi 20h, chasse galerie gratuit. A plus. Merci, Gabriel Béhoud. Hey, ça fait plaisir. Bonne journée. Comme je disais, nous, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On remercie Gabriel Béhoud encore une fois. C'est, on remercie aussi Mélina du Carnaval étudiant. Voilà. Lundi à l'émission. On va voir Samuel Girard à 8h30 pour sa chronique sur l'actualité. Et puis à 9h, Marie-Christine Perra sera là pour parler d'art et de culture. Sur nos ondes, aujourd'hui à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en l'après-midi, ce sera la nouvelle émission La sortie de secours est à votre gauche avec Sébastien Viartin et Lucas Hubert. Ensuite, à 14h, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 17h, David Ferron avec Palmarès du Monde. 19h, Très Blues, Assez Fou avec Denis Baudin. Mais dans quelques instants, à partir de 9h30, ce sera Génie en liberté avec Samuel et Stéphanie qui vont vous parler de plein de sujets d'actualité, d'information, de politique et de n'importe quoi qui leur passe par la tête. Ça se commence dans 3 minutes environ. Il est temps de se dire bonne fin de semaine, Tania. Bonne fin de semaine. On se quitte avec EO, le succès de Lucid Afterlife. Oui. Et on se retrouve lundi 6h30. Bye bye. Bye. Bon café. Mélise.